Bonjour et bienvenue pour cet épisode 45 de Marvelicious, épisode consacré à l'expérience de l'hôtel New York The Art of Marvel à Disneyland Paris. Hôtel qui fait le régal des petits comme des grands fans de la licence Marvel. Je suis accompagné de Pierre et aussi d'Olivier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode de Marvelicious que vous attendiez toutes et tous, vous étiez très nombreux à l'attendre, c'est le bilan ou le point de vue ou notre expérience à l'hôtel Marvel, car beaucoup m'ont posé des questions sur l'hôtel Marvel, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'il vaut le coup pour le tarif, bref. Nous allons présenter avec deux copains pour cet hôtel et on va faire une petite foire à questions avec les copains que vous m'avez pu vous avez pu me poser. Alors je suis accompagné de Olive and Wonderland. Bonjour. Bonjour. Ça va-t-il depuis l'autre fois? Oh, ça me manquait. Ça va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on enregistre à deux jours d'intervalle entre. Ouais, c'est ça. C'est pour vous fournir en contenu pour Noël, c'est pour ça. Exactement. Voilà. Et on est accompagné d'un nouveau. Tu l'as pas encore deux fois de suite. Qui? Moi? Olivier. Ah, lui. Tu l'as pas encore fait, toi? Deux fois de suite? T'as pas fait deux podcasts encore comme ça? Non. J'ai sûrement faire un la semaine prochaine. Mais je crois qu'on avait fait une fois deux la même journée, je crois. C'était pas avec moi, ça me dit rien. Ah, je crois. Bref. Et on est accompagné de un autre beau gosse, mais il a plus de cheveux que Olivier. Il n'y a pas de mal. Pierre. Bonjour, Pierre. Il a plus de cheveux que nous deux réunis. Salut. Ouais, salut Benji. Salut Olivier. Ouais. Ça va? Ça va bien, et vous? Est-ce que tu vas bien? Alors, ça va. Pierre, ça va très bien, je suis content d'être là. Ça va? Ouais. C'est vrai? Ça fait combien de temps que tu n'as pas enregistré un podcast? Pierre, vous avez pu l'entendre sur Feu aimer ça? Ouais, Feu aimer ça. Just Dream It, ouais. Et ici, maintenant chez vous. Et puis, on a fait avec nous à Magic Mouse aussi, Benji. Ouais, on a fait aussi à Magic Mouse la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière, ouais. La semaine dernière. D'ailleurs, merci à tous parce qu'on a vu avec Olivier vos captures d'écran sur votre top 5 podcast et c'est souvent le tien et le mien qui reviennent. Oui, ouais, ça fait très plaisir. Ouais. Pas fait gaffe. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Bref, pour dire que on allait parler aujourd'hui, les copains, de l'hôtel Marvel. Donc, on a tous les trois dormi à l'hôtel Marvel. On a tous les trois mangé à l'hôtel Marvel. On a tous les trois été aux toilettes à l'hôtel Marvel. Ah oui. On a bu des coups. À l'hôtel Marvel. La piscine de l'hôtel Marvel. Et donc, on va essayer. Oui, et à la salle de sport de l'hôtel Marvel. Ouais, ouais. Nous avons tous marché sur le carrelage de l'hôtel Marvel. Bref, on va essayer de vous le présenter. Moi, je vais clairement le dire, j'ai pas vu beaucoup de points négatifs, j'en vois aucun. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bel hôtel. On va faire le point. Le but, c'est que. De vous donner envie d'y aller. Voilà. On va se faire les promoteurs à court instant de Disneyland de Paris. Voilà. Bon, alors, pour commencer, c'est qu'à l'origine, c'était pas le Disney. Alors, le vrai nom, c'est pas Hôtel Marvel. Vous savez, c'est quoi, les gars? New York. New York. Ce qu'on appelle l'Hôtel Marvel, mais c'est pas. C'est l'Hôtel New York. The Art Marvel. New York. Voilà. C'est ça. Mais ça s'appelle toujours l'Hôtel New York. Et en fait, c'est. Oui, Hôtel New York. Et avant, c'était quoi? Hôtel New York. Hôtel New York. Voilà. Attends, c'est Hôtel New York, c'est Art of Marvel. Le mec nous met et le doute, tu vois. Il vous a questionné, il nous met le doute. Ouais. C'est ça. C'est fait exprès. Vous suivez. Ouais. Donc The Art of Mario, c'est plus un. Alors, bien sûr, c'est consacré aux super-héros, mais aussi à l'art. Il faut dire ce qu'il y a. À l'art des comics. Voilà. D'où le des nom. Des comics Marvel. Parce que, d'où le nom The Art of Marvel. Voilà, c'est ça. Voilà, donc dans cet hôtel consacré aux super-héros de Marvel, peut-on dire que c'est un hôtel premium? Je pense que oui. Je ne sais pas pour vous. Oui. Par rapport aux autres. Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement. Bah, c'est vendu comme ouais. Ça. Hein. Bon, ça vaut. Oui. Ça vaut pas le Santa Fe, mais. Premium, c'est pas un palace non plus. Peut-on dire que cet hôtel est un chef-d'œuvre à ciel ouvert ou fermé, peu importe, vu qu'il y a plein d'art, d'œuvres d'art dedans. Je pense que oui. On pourrait dire que c'est un. Bah, il y a des œuvres qui sont exposées, qui sont des chefs-d'œuvre. Ouais. Notamment, je pense à l'immense fresque qui a été dessinée à main levée. Tu sais qui. Fusain. Je ne sais plus, c'est au niveau des salles de conférence, c'est au fond, là, je ne me rappelle plus le nom du dessinateur. Ça a été fait à main levée, il a pris plus. Il a tout fait, pas d'une traite, mais en plusieurs fois, mais il a fait à main levée une fresque qui est absolument sublime. J'ai regardé, c'est un hôtel 4 étoiles. Voilà. Et il est vu comme inspiré de Manhattan. Voilà, je sais pas, j'ai pas fait gaffe moi. À part le coin piscine, je sais pas vous. Mais oui. le coin piscine, il avait pas trop changé. Oui. Je pense que il a pas changé. Il est resté vraiment pareil par rapport à. D'ailleurs, je crois que c'est le même nom. La piscine, elle a gardé le même nom. Ouais, je crois que c'était déjà ça avant. Après, clairement, le bar qui est, je veux dire, en bas, donc pas celui où. Pour les cocktails et l'autre, il est vraiment très fort inspiré de New York et de Manhattan avec les briques rouges, les poutres apparentes et tout. Quand tu rentres, tu y rentres et tu vas à gauche, voilà. Et c'est juste là où on est allé ensemble, Olive. Oui, je cherche le nom, c'est pas le Skyline, l'autre, c'est celui de. C'est celui du Dr. Strange, qui était très thématisé. Ouais, street... Oh là là, la honte. J'ai un trou. Je sais plus comment il s'appelle. Baker Street, c'est pas ça? Baker Street, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Baker Street. Ça m'est revenu. Ouais. Bien joué, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, je vous propose, on va passer par thème en prenant les questions qui me sont posées, si ça vous dit. Comme ça, on va partir des questions, ça vous va? Non, ça me va pas. Comme ça, c'est plus simple. Ça ne va pas. Tu n'as pas le choix. Je sais. La première question qui me sont posée, c'est est-ce qu'il y a différents types de chambres? Alors, moi, je n'en ai fait qu'un type de chambre. C'est la chambre classique, je pense. On est quatre, du coup, on avait deux lits. Donc, Olivier, toi? Pareil, c'est la classique avec deux grands lits, oui. Et Pierre, lui, il a pu en faire plusieurs. Est-ce que tu as fait la classique aussi, comme nous? Ouais, et j'ai eu la chance de faire plusieurs chambres dans l'hôtel. Donc, on a fait plusieurs fois les chambres Empire, parce qu'il faut savoir que je suis grand fan d'hôtellerie en général et d'hôtellerie haut de gamme. Et donc, j'aime bien visiter, faire des chambres différentes pour voir ce que les hôtels font, parce que dans mon boulot, je suis à même de réaliser ce genre de travail, donc de réaliser l'aménagement intérieur, et donc ça me plaît beaucoup de faire tout ça. Et donc j'ai fait les chambres normales, les chambres standards, chambres supérieures, et ensuite les chambres Empire, et j'ai eu la chance de faire toutes les suites qui étaient disponibles dans l'hôtel. Vu que le Disneyland Hotel était fermé pendant un long moment, quand on allait à Disney, on allait d'office au Marvel. Et donc on prenait à chaque fois des chambres différentes et on a eu la chance de faire toutes les suites et les chambres Empire qui sont vraiment très très belles et très bien thématisées. Donc justement, est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques d'une chambre Empire? Alors les chambres Empire, en fait, c'est un peu classique. Alors c'est un peu l'équivalent des chambres en Golden, je pense au Sequoia, c'est Golden State Forest, Golden Forest, ouais. Golden ça, Forest. Et les, ouais, Golden Forest. Et comme et de l'autre côté au Newport Bay, ce sont les chambres qui sont Compass Club, voilà. Donc ce sont des chambres en général, je pense, sans me tromper, sont des gens avec une taille normale comme les chambres supérieures, mais tu as des services, par contre, supplémentaires dans l'hôtel que tu n'as pas en chambre normale, dont le petit-déj qui est inclus avec la chambre, le goûter l'après-midi, pas le jour de ouais, le goûter l'après-midi, pas le jour de départ, si je ne me trompe pas. Donc c'est si tu as deux nuits, tu as deux goûters. Et voilà, donc et tu as des étages différents pour ces chambres-là. Et tu as aussi le petit déjeuner qui n'est pas servi dans la même salle. Et les autres, et une réception différente. Voilà. Bon, mais au niveau des chambres, je pense que c'est un peu pareil. Alors, il y a des chambres. Il y a des chambres. Aussi, je crois. En chambre Empire ? Ouais. Alors, en chambre Empire. Donc, chambre Empire State Club. Elles sont thématisées différemment. Donc, tu as des chambres Empire State Club. Elles sont thématisées différemment, mais tu as. C'est sensiblement, je pense, la même taille que les autres. Parce qu'ici, pour Halloween, on y était. Et on était en chambre Empire. Et je ne pense pas que la taille et que la disposition de la chambre soit vraiment différente d'une chambre supérieure. Voilà. C'est juste que tu as les services Empire qui sont en plus. D'accord. Parce que nous, la chambre classique, c'est en fait, comme on disait tout à l'heure avec Olive, c'est qu'on avait deux lits de place, qui sont assez grands. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est deux lits de place. Moi, c'est ce que j'ai eu cette fois-ci. Et tu nous as montré une photo où tu avais une chambre à part. Ouais, alors là, c'est une chambre à part, là, ce sont les suites. Donc là, c'est différent. Alors vas-y. Donc les suites, là, c'est vraiment différent. Il y a des suites qui sont thématisées vraiment différemment. Et là, les chambres sont beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que la chambre que j'ai envoyée tout à l'heure, c'était une suite super-héros dans laquelle il y a un très grand lit double et ensuite un autre lit dans une chambre séparée. Donc, il y a deux chambres dans la chambre. Donc, il y a deux pièces dans la chambre avec deux lits séparés. Ensuite, il y a vraiment la suite Avengers qu'on a fait aussi, qui était très jolie, avec un grand lit, un canapé lit aussi, et un deuxième lit qui est derrière une cloison. Et ces chambres-là peuvent accueillir jusque 6 personnes, en réalité. Donc, les chambres sont vraiment beaucoup plus grandes. Il y a un fauteuil, il y a deux télés, c'est vraiment des endroits séparés. Il y a deux salles de bain. Il y a un frigo aussi. Il y a un frigo, il y a deux salles de bain. C'est toujours beaucoup plus grand. Et ensuite, il y a la suite présidentielle qui est sur deux étages. Ah oui, oui, j'avais vu une vidéo de la suite présidentielle. Et je crois qu'il y a même une suite Spider-Man, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, il y a la suite Spider-Man, oui. Donc, les suites, en fait, quand tu prends les suites, tu as plusieurs suites différentes. Les suites Spider-Man, tu en as deux. Tu en as deux différentes. Puis tu as la suite Avengers, la suite super-héros. Et ensuite, tu as la suite présidentielle. Tu as pu la visiter, la suite présidentielle, ou pas? Je l'ai faite, ouais. J'ai eu la chance de la faire un jour où je suis arrivé. Ouais, ils m'ont surclassé pour me mettre là-bas. Donc c'était pas sympa. Mal, ouais, c'était chouette. Ouais, c'est bien. Il y avait un piano. Alors, j'avais quand même envie d'aller dans le parc, mais c'est vrai que la chambre, elle est vraiment très belle. Et pour la petite anecdote, il y a un piano, en fait, qui est allé au rez-de-chaussée, si tu veux. Et j'étais, comme le Disneyland Hotel était fermé, je me dis, mais est-ce qu'ils ont pris le piano de la suite Tinkerbell où il y avait qui était au DLH avec la signature de Michael Jackson? Et en fait, j'ai regardé en dessous du piano, mais il était pas signé. Donc c'était pas ce piano là, mais c'est un piano à queue. Bah, t'aurais pu toi le signer. J'aurais pu moi le signer, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai pas Pierre. Pensé en fait. Pierre. Pierre. Et passer par ici. Et passer par là. Ouais. Et l'avantage, c'est super parce que en plus toi, tu n'es pas pianiste du tout. Si. Du tout. Donc voilà. Donc voilà. Donc le piano sert vraiment à beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, Alors, les caractéristiques de ce que je suis en train de lire les questions, je les ai classées par thème. Donc, le premier thème qui était les chambres, bien entendu. Donc, quel type de chambres sont disponibles? Je crois qu'on a fait le tour en matière de type de chambres disponibles. Et l'autre question, quelles sont leurs caractéristiques? Pierre a bien précisé les caractéristiques des chambres supérieures, super-héros, etc. De manière générale, alors, je ne sais pas si dans ces chambres-là que tu as pu faire, nous, la télé était incrustée dans le miroir. Ouais. Était devant les deux lits. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Alors, oui. dans les chambres supérieures et dans les chambres Empire, c'est comme ça. Et dans les suites, c'est différent. Mais ouais, c'est sympa, on dirait vraiment un miroir. Ils ont fait ça, ils ont reproduit ça en fait au Disneyland Hotel là maintenant. Dans les chambres, c'est derrière des miroirs. Les télés sont derrière les miroirs. Il prend quasi, il prend toute une. Il prend tout le mur, ouais, c'est ça. Ouais, plutôt pas mal. Il y a un frigo, donc voilà aussi. J'étais étonné l'autre fois, il y avait un Bluetooth dans la salle de bain. J'ai pris mon bain, j'ai pu le connecter. Bluetooth. J'ai trouvé ça génial. J'ai fait voir dans ma vidéo justement où j'ai trouvé ça excellent. Tu connectes ton téléphone et t'as les enceintes qui sont intégrées dans les murs de la salle de bain. Ouais. Et c'est pas du tu peux même avoir, je pense, la radio avec les musiques du parc. Dans les enceintes de la salle de bain. Ouais. En tout cas, c'est pas mal. Et puis, une petite expérience personnelle, c'est que, vu qu'on est à l'hôtel Art of Marvel, chaque chambre contient des œuvres d'art de Marvel différentes. Et un truc, alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, l'anniversaire de ma fille qui est fan de Spider-Man, pour être certain d'avoir des œuvres de Spider-Man. Quand j'étais chercher la chambre, j'ai demandé si c'était possible d'avoir une chambre Spider-Man. Et elle a sorti un classeur à Castamber. Et en fait, chaque chambre avec les œuvres d'art dans chaque chambre. Ok. Et du coup, elle m'a dit attendez, je vais vous mettre dans celle-là. Et du coup, elle nous a mis dans une chambre avec deux œuvres de Spider-Man. Donc sachez-le, c'est que si vous voulez une œuvre, enfin, du moins un super-héros particulier en œuvre d'art dans une chambre, bah, n'hésitez pas à demander. Parce que nous, l'expérience a fait qu'on a tenté et la dame a sorti un classeur. Je ne savais même pas que c'était un classeur avec les œuvres par chambre. Incroyable. Voilà. Mais je pense qu'au début, quand ils l'ont ouvert, il y avait aussi des visites guidées de l'hôtel où ils t'expliquaient toutes les œuvres. Oui, ça durait un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Un petit quart d'heure, il t'expliquait les œuvres d'art et tout. Mais j'étais pas au courant que chaque chambre avait des œuvres différentes, en fait. Après, peut-être qu'il y en a en commun aussi, ça. Mais en tout cas, nous, à chaque fois qu'on a fait une chambre, on a une œuvre différente. Et il y a la clim aussi. Il y a la clim, ouais, ça c'est bien. Indispensable. Et alors, je ne sais pas, il faut savoir aussi, c'est que c'est agréable. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, Pierre et Olive, mais je trouve ça très agréable, juste de se balader dans les étages. Ouais. Oui, moi j'ai fait tous les étages, j'ai tout filmé. Rien que pour admirer les fresques, c'est sensationnel. Mais c'est un très bel endroit. Chaque étage, comme tu dis, c'est un musée. Ouais, c'est un musée et c'est un peu unique parce que quand tu fais de l'hôtellerie comme ça et des beaux hôtels, tu as toujours une ou deux belles pièces, des œuvres dans le hall ou quoi, mais pas l'hôtel complet. Là, tu as vraiment l'hôtel complet qui est un musée, c'est très sympa, c'est très particulier. Chaque étage en fait est dédié à un super héros en particulier, et vous avez sur l'étage que des œuvres sur le super héros de l'étage où vous êtes. Donc nous on a eu Hulk, on a eu Iron Man, on a eu Captain America aussi, Miss Marvel. Mais bon, bref, chaque étage en fait. Moi, j'ai eu Spider-Man. Spider-Man est très présent au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, ouais. Vas-y Pierre. Non, vas-y, termine. Je disais, c'est que le dernier étage, on ne pouvait pas y aller de base. Je pense que c'est peut-être là où il y a les suites, Pierre. Alors c'est le 8, je pense. Alors les suites sont 6, 7 et 8. 6, 7 et 8. On n'avait pas accès, nous. Ok. Il y a un étage où on n'avait pas accès. On ne pouvait pas y aller, et il y a Casmember qui m'a laissé y aller avec ma fille pour que je filme l'étage. Ok. Voilà. Et elle m'a suivi par contre. Très sympa. Elle était très fan de Marvel. Voilà. Mais c'est la on chose aussi. Le podcast en plus. Ah ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. La chose qui est cool aussi. Alors, il faut pas prendre ça pour argent comptant parce que parfois les gens après ils sont déçus. Donc c'est au bon vouloir des gens qui préparent la chambre et à l'appréciation de l'hôtel en général. Mais quand tu prends une suite ou quand tu prends une suite en tout cas, tu as toujours des cadeaux dans ta chambre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ils préparent ta chambre et ils te mettent des peluches, ils te mettent des tasses, ils te mettent plein de goodies, mais des trucs sympas, les clés des suites dans la chambre, ça ils te les mettent. Donc nous on les a eus à chaque fois qu'on y est allé. Et donc ouais, c'est un plus, c'est un petit plus parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des choses et c'est souvent des choses un peu exclusives qui ne vendent pas sur le parc. Donc des peluches qui ne vendent pas sur le parc, des trucs qui ne vendent. Donc ça c'est pas mal aussi. Après, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que si les gens y vont, c'est pas quelque chose qu'il faut demander. C'est pas obligatoire qu'ils t'offrent des trucs. S'ils ont envie de le faire, c'est très bien et c'est sympa, mais il faut pas se dire je vais aller dans une suite pour avoir ces cadeaux parce que c'est noté nulle part que tu vas les recevoir. Voilà. C'est gentil. Voilà. C'est une bonne attention qui donne envie de retourner. C'est une belle attention. Voilà. Ouais. Qui te donne envie d'y retourner, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques des chambres. Je ne sais pas vous, Olivier, Pierre. Oui, je pense que. Non, c'est après, bien. Elles sont très bien équipées. Literie confortable. Et puis literie, oui. La literie. Très confortable. Ouais. Très, très confortable. Il y a tout ce qu'il faut en prise. Il y a des prises USB. USB, c'est un peu partout. Oui, alors pour les étrangers qui nous écoutent, si vous n'avez pas les prises françaises, vous pouvez demander. Enfin, vous avez les prises USB normales. Par contre, il n'y a pas USB-C, je crois. C'est vraiment la prise. Ah bon, il me semblait qu'il y avait USB-C. Peut-être. Je pense qu'il y a USB-C maintenant. À côté des tables de nuit, je pense. Ouais, il me semble. Hein. Il y a à les côté deux, des y a... tables de nuit, il y a les alors, USB-C. J'ai pas fait attention. Hein. Alors, j'ai pas fait attention. Alors, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Voilà pour la première question. La deuxième question qui était posée sur les chambres, c'est est-ce que les chambres ont des vues particulières sur des attractions spécifiques ? Non. Il n'y a pas du tout de vue sur l'attraction. C'est pas dans le parc d'attractions. C'est autour du lac avec les autres hôtels qui sont. Moi j'étais en rez-de-chaussée, donc c'était sympa parce que j'avais une mini terrasse qui donnait sur une cour en fait. Donc ça donnait sur l'entrée ou pas Non, j'étais pas du tout dans l'entrée. Non, ça donnait sur une cour. Tu sais, quand tu sors, quand tu vas au village, ouais. Tu passes les. Pour la droite, tu as une cour. Voilà, ça donnait sur le jardin comme c'est ça. C'était sympa. J'ai toujours un peu peur en réservant de me dire est-ce que si je prends rez-de-chaussée ou quoi, il va avoir du bruit quand les gens rentrent. Tu vois, si tous les gens passent devant ton. Parce que là, ils passaient pas. Tu passes pas non, devant. Non, mais toi, pour le coup, non. Mais les autres, tu vois, qui sont au rez-de-chaussée, là où tout le monde passe. Je suis d'accord. Bah là, c'est pas forcément agréable en plus. Non. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais faut demander. Après, le couloir, il est assez isolé, je trouve, parce que quand tu. Enfin, de l'intérieur, je pense pas que tu entends les gens. Peut-être de l'extérieur. Peut-être. Il y a encore. Ah ouais, de l'extérieur. Ouais, non, les gens de l'extérieur, mais pas les. Non, je parle des gens qui rentrent du parc et tout, qui passent. Et si t'as une terrasse et que peut-être tu as vraiment la vue sur l'extérieur, tu entends peut-être un peu plus les gens, mais bon. Bon, en tout cas, moi j'ai eu vu sur le parking et j'ai eu vu sur les jardins du côté du côté de la piscine. Voilà. Okay. Mais il y a les vues aussi sur. J'ai eu vu sur le parking lac, plusieurs fois. J'ai eu vu sur le lac et aussi la vue la suite présidentielle. La vue elle est du côté du resto en fait du Manhattan. Elle est au-dessus de tout. Après, apparemment, dans ce que j'avais entendu, il y avait des chambres où on entendait beaucoup de bruit de ventilation d'un côté de l'hôtel. Il y avait un côté de l'hôtel où la nuit, c'était assez dérangeant parce que c'était fort bruyant, parce qu'il y avait toutes les machines de clim et tout qui étaient de ce côté-là et c'était assez bruyant. Donc ça, c'était des remarques que j'avais déjà lues sur des... Alors, ça rejoint la question suivante qui était est-ce que savoir si c'était un hôtel bruyant. Mais quelle transition. Mais fort. On ne pouvait pas mieux faire. C'est magnifique. nous, on n'a pas eu de problème de bruit, en tout cas. Non. Ouais. Non plus. Non. Comme c'est tu dis, c'est trop calme dans les couloirs, dans les étages. Ouais, c'est très calme, ouais. Non, c'est très très calme. C'est pas comme le Sequoia où, par contre, ça peut être le bordel facilement, je trouve. Ouais, et la chose aussi qui est pas mal dans cet hôtel, c'est que quand tu sors des ascenseurs, les chambres, il n'y a pas de chambre devant les ascenseurs. Et ça fait aussi une grosse différence, parce que quand tu as les chambres, si tu chopes la chambre qui est la première après l'ascenseur, mais qui est quasiment devant, dès que les gens sortent, tu les entends. Totalement, parce que ça sonne l'ascenseur quand il arrive à ton étage. Et c'est parfois un peu dérangeant. Mais là, il est très, très bien insonorisé. Et t'entends rien. C'est vraiment agréable. Quelles sont les heures d'arrivée de départ de l'hôtel Marvel? Alors, les heures d'arrivée, il n'y en a pas tellement. Moi, je les sais. Généralement, j'ai la notif à 14h. Je ne sais pas vous. Bah, c'est à partir, oui, mais tu peux arriver à partir de 14-15 heures, et après, tu arrives quand tu veux. Quoi. Même si oui, tu arrives la nuit, en pleine nuit. Vous pouvez arriver quand vous voulez. De toute façon, il y a un coin bagage où vous pouvez laisser votre bagage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui emmène les bagages dans ta chambre une fois que c'est prêt. Oui, oui. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu le problème. Alors, quand on y arrive le matin, quand on réserve comme ça, on arrive, je fais un peu le déroulement, on se gare la voiture juste devant, ils prennent tes bagages, ils se barrent avec tes bagages, et quand ils te donnent la notif, et tu ne les retrouves plus jamais, et quand tu reçois la notif que ta chambre est prête, quand tu y arrives, tes bagages sont dans la chambre. Bah écoute, c'est super. Donc, et les heures de départ, c'est 11h le matin. Mon souvenir, ça doit être ça, généralement. Voilà. Je crois que. Attendez, je regarde si toutes les questions. La souris ont été faites. Oui. Oui. Ah non, il y en a une. C'est savoir s'il y a des navettes, un service navette. Alors, oui, il y en a un. Alors, l'utilité. C'est à côté du parc, hein, quand même. C'est vraiment à côté du parc. Je pense que la navette, elle te dépose plus loin que l'hôtel. La navette, elle te dépose directement à la sécu. À part le DLH, c'est l'hôtel le plus proche du parc. Mais oui, mais la navette, si tu la prends, elle va te déposer derrière Disney Village. Et en fait, à pied, tu es plus loin que si tu allais à pied à l'hôtel. Ouais, t'es sûr. Et il y en a vraiment, hein. Moi j'ai déjà vu des gens prendre la navette, hein, pour y aller. Hein. Oh bah oui, de toute façon, s'il y avait une navette qui allait du DLH au parc, les gens la prendraient. Hein. Oui, non, carrément. Mais c'est sûr. Même. Alors l'avantage, les gens, l'avantage c'est que quand vous sortez à pied de l'hôtel, vous êtes quasi en face. Vous êtes quasi en face du Disney Village et vous avez la sécu tout de suite. Donc vous passez à la sécu et après vous voyez direction les parcs. Vous traversez tout le Disney Village. Et vous arrivez au parc. Alors que si vous prenez la navette, comme disaient Pierre et Olivier, vous vous retrouvez à l'extérieur côté gare. Gare, ouais, c'est à côté de la gare. C'est côté de la gare, je crois, non? Parking de la gare. Ouais, c'est ça. C'est... Quand tu prends la navette, tu arrives côté gare. Toute la queue. Et puis alors, vous payez toute la queue des gens qui arrivent du parking voiture Disney. Donc c'est même plus facile et plus rapide de passer par la sécu des hôtels que plutôt que la sécu. J'ai envie de te dire de n'importe quel hôtel. Hein. Parce que même quand tu es du plus loin au Santa Fe, tu mets en marchant tranquillement, tu mets un quart d'heure pour aller au parc. Puis c'est tellement agréable, enfin s'il ne pleut pas des cordes évidemment, c'est tellement agréable je trouve de se promener, d'aller tranquillement au parc, dans les parcs. C'est ce qui fait le charme des hôtels Disney, Disneyland de Paris, hein. C'est qu'ils sont à la proximité du parc. Et je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir aller au parc à pied. Enfin bon. Oui, parce que pour ceux qui ont été à Disney World, vous êtes obligé de prendre le bus au moins 20 minutes avant d'arriver dans un parc. Et en plus, si tu prends le bus, t'es quasiment sûr de te choper une angine, parce que dans le bus, il fait 4 degrés. Alors que chez nous, tu te prends une angine de l'extérieur. Ouais, c'est une angine de l'intérieur. Ouais. Voilà. Alors, on m'a demandé si l'hôtel disposait d'un service concierge pour les réservations de restos et d'activités. Oui, Il y en a un. Il y en a un. D'ailleurs, ils sont toujours deux et ils sont très sympas. Après, il y a d'autres questions, mais on verra ça après. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce qui est chambre et confort des chambres, et confort de manière générale, et en placement de l'hôtel. Le thème numéro 2, deux grosses questions qui reviennent sur les restaurants et les bars. Ça, c'est le coin préféré. Voilà. Alors, quels sont les restaurants à l'hôtel Marvel ? Alors, il y en a deux. Il y a le Downtown et il y a le Manhattan. Alors, vous avez fait les deux, vous, ou pas, Olivier et Pierre ? Oui, oui. J'ai fait tout. Alors, j'ai fait tous les deux restaurants. J'ai pas fait le troisième restaurant, en fait, qui est pas vraiment un restaurant. C'est une autre salle, en fait. Aide-moi, Pierre. Tu sais qu'il y a à côté d'un... Il y a deux restaurants, t'es d'accord ? Il y a les deux restaurants. Il y a le Downtown, le Manhattan dans le fond. Et il y a une autre salle où tu peux manger. Écoute, j'étais pas au courant. Voilà, je peux pas t'aider sur ce coup-là. Mais non, je la peux pas t'aider. Wonderland. Est-ce que c'est pas une salle qu'ils ont ouverte et qui est plus grand, qui a été pour agrandir un peu le Downtown où il y avait pas assez de place. Je crois que c'est ça, ouais. Je suis en train de chercher. Enfin bref, il y a deux restaurants réellement et j'ai fait les deux, oui, effectivement. Ouais. Moi, j'ai fait le Manhattan. Bah justement, on va parler du Manhattan. Je ne l'ai pas fait, donc je vais vous laisser parler du Manhattan. Je vous laisse une parole libre, les amis, et puis je vais vous écouter religieusement et me donner envie d'y aller. Alors, qu'avez-vous pensé ? Alors, quel est le thème du Manhattan ? Parce que ça me paraît important, ne connaissant pas moi-même le thème. Est-ce que c'est un beau restaurant ? Est-ce que c'est un buffet ? Est-ce que c'est un service à table ? Est-ce qu'il faut le réserver ? Oui, il faut toujours réserver, venir. Voilà, expliquez-moi quel est le thème du restaurant, etc. etc. Asgard. Donc, déjà, la salle est magnifique. Il y a le fameux lustre qui fait penser à Asgard, justement, qui a été conçu pour ça. La salle est sublime. C'est appelé le chandelier d'Asgard. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je crois que c'est vraiment ça. Je crois qu'il s'appelle vraiment ça. Le chandelier d'Asgard. Je ne savais pas qu'il avait un nom. Non, je pense que c'est ça. Donc la salle est jolie, enfin très très très classe, vraiment très très très très belle. Ça fait vraiment classe quoi. C'est et puis donc c'est du service à table. C'est de la cuisine très fine, enfin très très bonne. Moi j'ai fait pratiquement tout début à l'ouverture, donc je suis pas retourné depuis. Le personnel était absolument adorable, mais on voyait qu'ils étaient un petit peu hésitants. Ils commençaient, c'était un petit peu. Il y a eu des petits couacs au niveau du service, mais rien de dramatique. J'ai passé un excellent moment. C'est très, très bon. Franchement, très, très bon. La salle est très grande, un petit peu bruyante à mon goût. Mais bon, c'est le problème de tous les restaurants Disney en général dans les grandes salles. C'est pour moi un des restaurants à faire. Exact, c'est le Chantelier d'Asgard, je viens de voir l'information. c'est un des restaurants à faire à Disneyland Paris. Ça... Parce que vous pouvez y aller effectivement sans avoir besoin de dormir à l'hôtel. La première fois que je suis allé, je ne dormais pas à l'hôtel d'ailleurs. On peut réserver, y aller, y manger le soir après le parc. Ce n'est pas un problème. Comme vous pouvez faire, ce que j'ai fait, prendre le petit déjeuner le matin, c'est ouvert à tout le monde. Pas qu'aux résidents des hôtels. Donc, pensez-y, vous pouvez profiter des restaurants, des hôtels, et celui-ci vaut vraiment le coup. Alors, Pierre, ton expérience, toi, de l'hôtel, enfin, de l'hôtel, du restaurant Manhattan. Alors, pour moi, le Manhattan, c'est le meilleur resto de DLP. Si je vais à DLP, j'essaie vraiment d'y aller. Moi, c'est un resto d'inspiration italienne. Mais voilà, la bouffe italienne, c'est pour moi, c'est la vie. Donc voilà. Je viens de voir que le menu est essentiellement que des plats italiens en fait. C'est un resto italien. Alors les produits qu'ils servent sont vraiment très très bons et c'est digne d'un très bon restaurant. Que tu peux retrouver hors parc d'attractions. Donc, c'est vraiment une belle expérience culinaire. Ouais. Et le truc qui est aussi à prendre en compte, c'est encore un des seuls restos de DLP où il y a une vraie carte où tu as le choix. Ouais. Ce n'est pas un menu imposé, parce que si tu veux la table des lumières ou n'importe, enfin voilà, ou Walt, tu as un menu qui est fait et tu prends le menu. Alors tu peux peut-être changer un ou deux trucs, mais vite fait, si tu es un peu difficile, mais tu dois demander. Là, tu as beaucoup de choix et donc tu peux créer ton menu toi-même et les produits vraiment qui servent. Sont top. L'huile d'olive, elle était incroyable. En fait, il t'apporte, je te coupe deux secondes parce que ça m'avait marqué, il t'apporte une assiette avec de l'huile d'olive et du pain. Ouais, et c'est de la focaccia qu'ils font eux-mêmes. Voilà, et c'est tellement bon que tu trempes ton pain dans le... et c'est un régal. Dans l'huile d'olive, ouais. C'est vraiment bien. Franchement, top. L'huile d'olive, c'est comme un jus de fruits pour eux. Enfin, j'exagère, mais je crois que pour eux, c'est vraiment. Ouais, mais c'est de l'huile d'olive de compète. Hein. C'est. Ouais, non, c'est vraiment top. C'est exactement ce que vous dites, parce que là, vous dites que vous faites votre menu vous-même, c'est effectivement le cas. Parce qu'il y a un menu Greenwich Village, donc là, c'est entrée plat dessert, 55 euros. Mais vous choisissez l'entrée de votre choix, si j'ai bien compris. Ouais, donc. Le plat et le dessert de votre choix, avec le vin, c'est 75 euros. Ouais. Voilà. Et le menu enfant, c'est un menu à 30 euros. Entre 3 et 11 ans inclus. Voilà, et c'est pareil, entrée plat, dessert et boisson. Ah oui, alors qu'il n'y a pas la boisson dans le menu adulte. C'est obligé de le prendre à part. Ouais. Alors que les enfants, il y a la boisson inclus. Et effectivement, après, ça reste un menu, ça reste ça reste onéreux. Je veux dire, comme resto, quand tu fais la somme des plats que tu prends, le menu, entrée plat, dessert, t'es à plus de 100 euros le couvert. Hein. Ouais, mais quand tu prends pas en menu. Quand tu prends pas en menu, t'es à plus de 100 euros le couvert. Si tu prends une bouteille d'eau gazeuse bazar, t'es à plus de 100 balles le couvert. Quoi. D'ailleurs, pour moi, ça les vaut largement. D'ailleurs, faut qu'on. Les menus sont en ligne sur le site, donc les gens peuvent admirer tout ce qu'il y a. Je suis en train de regarder le menu du Manhattan, ça me fait rêver. J'ai envie d'y retourner. C'est un restaurant quand même qui fait vraiment des plats exceptionnels, comme tu disais, parce que je vois là, c'est lasagne à la farine de châtaigne, champignons. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est... Ils font des trucs à la truffe. Moi, j'ai pris la côte de veau milanaise avec pommes de terre rôties. Filet de bar. Hey. C'était filet incroyable. Filet de bar à la plancha avec légumes de saison. Oh. Et c'est un très bon rapport qualité prix. La milanaise. Ouais. Ouais. Tu vois, ça me dérangera de pas payer ça 100 euros. Voilà. Non, par mais contre, en plus les produits sont très bons. Non, voilà. Si vous voulez bouffer steak frites, c'est pas ou burger frites. Ouais, non, c'est clairement pas le délire quoi. Ouais, c'est pas du tout l'endroit et le service et les serveurs qui y sont vraiment vraiment top. Ouais, c'est ce que tu vois que c'est des gens ici. Enfin, moi, j'y étais allé au début aussi. C'était, comme tu disais, Olive, un peu hésitant. Mm-hmm. Mais toutes les autres fois où j'y suis retourné, tu voyais que les gens qui te servent, c'est des gens qui ont fait l'hôtellerie. Oui, oui. C'est des gens qui voilà, ils te servent, ils savent bosser. Et ils ont t'as beaucoup même un de gens. Avec. T'as un bisou. Voilà, t'as des cœurs. T'as des cœurs. Ils ont beaucoup de gens qui viennent du Disneyland Hotel et qui n'y sont pas retournés. Ouais, ils sont juste... beaucoup... ouais. Voilà, ouais. Ils ont fait le switch et ils sont pas retournés au DLH. Juste au début, je crois, pour aider un peu, je crois. Mais... Ouais, mais même pas ceux des restos et tout, ils sont restés là-bas. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'il y avait Marie, qui est une dame qui s'appelle Marie, qui était en fait la responsable du Castle Club, qui est partie s'occuper du Marvel et elle y est restée, elle n'est pas retournée au DLH quand le DLH a rouvert. Du coup, merci les gars, donc du coup ça m'a donné envie. Et puis quand je vois le menu, ça donne vraiment faim. Alors c'est un truc que je ne ferais pas forcément avec mes enfants parce que ils sont un peu frites nuggets. Etc. C'est plutôt un menu que je ferai en amoureux. Voilà, un peu comme le Walt. Nous deux. Parce que c'est vrai, quand tu vois le menu, payer 30 balles pour des pâtes bolognaises, ça fait un peu mal aux fesses, quoi, je pense. Mais, elles sont bonnes. Mais... J'en doute pas. je pense qu'on a fait le tour du Manhattan, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un service à table premium de ce que vous dites. Ah oui, non, mais les casses sont super. C'est... Non, mais les gens qui veulent, encore une fois, les gens qui sont qui font Disney et qui veulent une expérience un peu haut de gamme, c'est clairement l'endroit. C'est clairement l'endroit. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une chambre à l'hôtel Marvel, ce qui est compréhensible, rien ne vous empêche d'aller par exemple au Sequoia ou au Santa Fe et de réserver et de manger à ce restaurant, c'est accessible. Les gens n'y pensent pas assez en général. Il est ouvert que le soir, hein. Je préfère préciser, vous ne le trouverez pas le midi. Oui, il est pas ouvert le tout soir. À fait. Il n'est pas ouvert le midi, il est ouvert que le soir à partir de 18h. Voilà. Le deuxième restaurant, c'est un restaurant que j'ai fait plein de fois et qui est mon préféré. Là, clairement, on est sur mon préféré. C'est le Downtown. Voilà. Qui est un, alors, c'est pas un service à table, c'est un buffet à volonté. Voilà. Un buffet à volonté et on est sur. Pareil, c'est que le soir. C'est pas le midi. On est sur un buffet à volonté. Alors, c'est 55 euros, je crois. Ah, ils ont augmenté. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté. Je me rappelle plus combien c'était, mais. C'était pas 45 avant ? Je sais pas. Moi, c'était Pierre, pas. Pas... Ah, non, tu l'avais fait ? Non, j'ai jamais fait. De toute façon, même à ce prix-là, ça les vaut. Et... Oui, ça les vaut. Et 30 euros pour les enfants. Alors, c'est un buffet à volonté avec. Alors, c'est magnifique. Il y a un thème un peu. J'ai l'impression de manger dans un musée. Puis, le thème gastronomique, c'est il y a de l'asiatique, de l'italien et. Ils ont classé ça par continent. Vous avez côté vous mangez américain, côté italien, côté européen, côté asiatique. Vous avez pour tout. Franchement, vous avez pour tous les goûts. Voilà. Tous les goûts. Et vous avez. Alors que, tu vois, avec le Manhattan, j'ai pas l'impression que tu as pour tous les goûts. Tu vois. Ah, c'est très italien. Ouais. C'est très italien. Ouais. Après, ouais, qui n'aime pas la cuisine italienne. C'est ce que j'allais dire. Et c'est riche quand même, la cuisine. C'est varié. Si tu veux manger, par exemple, je sais pas, des nouilles chinoises, bah, t'en auras pas forcément. Mmh. Et puis, il y a moyen de se faire sa propre salade, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en fait, on a l'impression de manger dans un lunch. Et vous avez l'impression aussi de manger dans un musée parce que vous avez des croquis de BD un peu partout avec plein de super. Ça rappelle beaucoup l'entrée de l'hôtel. Oui. C'est vrai. C'est à peu près. Et pareil que le Manhattan, vous n'êtes pas obligé de résider dans l'hôtel pour pouvoir y manger. Alors, par contre, tout le monde se l'arrache, je crois, celui-là. Il faut aller sur place et carrément dans. Mais il est pas très grand en plus. Hein. Non, il est petit. Non, alors c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas grand et pour avoir des places, bon courage. Parce qu'en fait, il n'est vraiment pas grand. Et puis, aussi, un autre côté, c'est que non seulement il n'est pas grand, mais on a l'impression que des fois, quand tu arrives, tu manges dans un couloir. Je sais pas toi, Olivier. Ça fait un peu couloir, c'est pas, c'est pas espacé. Manhattan, quand je vois sur les photos, j'ai l'impression que c'est assez rond. Manhattan, c'est très grand. Ouais. C'est sur deux niveaux en fait. Donc la salle, il y a une salle plus haute, une salle plus basse. Ce qui donne mais c'est super grand. Ouais. Ce qui accentue le côté classe en fait. En plus, ouais. Le fait que ça soit spacieux, t'as l'impression d'être dans un très grand restaurant. Voilà, il est pas très grand, mais t'as l'impression des fois de manger dans un couloir, mais quasi. Oh, c'est petit, oui. Mais on y mange très bien. Pour moi, c'est le meilleur self de buffet, volontaire. De, buffet de tout Disneyland de Paris. Ouais. Ah oui. Au-dessus de celui du Disneyland Hotel, bah, même du PIM, ouais. Oui, ah oui, oui. Oui. Le PIM, largement, parce que le PIM, c'est moins bon pour moi. Il est très sympa, hein, j'adore l'ambiance, mais gustativement parlant, le PIM, ce n'est pas bon. Enfin, il n'est pas terrible pour son prix. Là, ça explose tout. Hein. Je vais tester. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et c'est agréable parce que je le trouve lumineux. Je ne sais pas toi, mais tu as la lumière, une sorte de lumière douce. Donc, c'est agréable. Et puis les sièges. Mais l'hôtel en général est très lumineux. L'hôtel Marvel est vraiment très très lumineux. Et je dis de manière générale dans ce qu'il faut faire à Disney, que ce soit à Disneyland à Paris ou que ce soit aux États-Unis, c'est que on mange, pour moi, mieux dans les hôtels que dans les parcs. Parce que t'as des, dans les hôtels, tu as des pépites de resto. Hein. À Orlando, tu as des restos qui sont que les gens, enfin voilà, n'y vont peut-être pas nécessairement, mais il y a vraiment la food est vraiment top dans les hôtels et parfois moins surchargée, plus raffinée. En tout cas, moi j'ai découvert des belles choses dans les hôtels. Non, mais c'est vrai que En tout cas, n'hésitez pas. même à Disneyland Paris, en général, Oui. dans les hôtels, les restaurants sont. Même dans son genre, même pour te dire, le self mexicain du Santa Fe est très bien. Ah ouais. Ouais, Mais franchement. le Hunter's Grill, on est allé ensemble. Avec. C'était très Attends. bien. Ah ouais, non, mais Franchement, on a super bien mangé. j'ai dû faire tous les restaurants. Est-ce que j'ai fait le. Oui, j'ai même fait le Chuck Wagon, qui est excellent. Ouais. Tous les restaurants des hôtels en général, Sont bien. ouais, ils sont bien. Hein. Franchement, j'en ai pas trouvé de mauvais. J'avais pas aimé le Cape Cod, moi, à New York, à Newport. J'avais pas aimé. Euh, Non? j'ai fait, alors moi, j'ai aimé les deux. Moi, j'ai fait les deux. Le self est très bon et l'autre restaurant est très bon aussi. Très classe aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas trop de souvenirs de ceux-là, par contre. En En tout Enfin, tout cas, ça pour dire que les hôtels sont, pour voilà. les restos sont bons. oui, on y mange Pour bien. dire que Downtown et Manhattan, il faut pas hésiter, il Ah faut oui, y aller. c'est clair. C'est Voilà. ça. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau des restaurants. Voilà. On peut faire le tour. Ah oui, alors, il m'est posé une question. J'ai oublié. Hop, que je la reprenne. La question qu'il m'est posée, c'est est-ce qu'il y a des options de restauration pour le régime alimentaire spécifique? Bah oui, je crois qu'il y a Je végétarien. suppose, ouais. Ça, c'est sûr. Oui, Je puis tout. suppose. Alors, Ouais. par contre, peut-être que sans gluten, je sais pas. Si, si, si, il Mais faut. De toute façon, il te pose la après, question ils ont si. une carte. Ils te posent la question, voilà, Quand tu si tu as arrives des déjà, si allergies, tu as ils te posent des toujours la allergies. question. Oui. J'ai Alors. alimentaire. Et quand vous avez des allergies alimentaires, ils viennent avec une carte, avec comme un tableau Excel, et ils vous disent ce que vous pouvez manger et ne pas manger. Ouais. Alors, je suis sur la carte justement du Manhattan. Où il est écrit, cher visiteur, un recueil d'informations sur la présence d'allergènes dans nos plats est disponible. N'hésitez pas à nous signaler et à nous demander à l'un de nos cast members. Voilà. Et il y a un QR code. En fait, je pense que tu peux scanner ton QR et voir dans chaque plat ce qu'il y a et voir si Heureusement que tu as tu rajoutes le des. R après le Q. Hein, Attends, je vais tester. Ouais, demander un QR. Il y a un Je Q que tu dois scanner et que. scanne le QR code. Alors, Alors, je vais ouvrir. en direct live, Olivier vous Ah, scanne ça son m'ouvre QR l'application code. Disneyland Paris. Moi, D'accord. ça sent pas bon. Attention. Ouais. Alors, C'est Manhattan marqué parc fermé. Restaurant, il met réveillon de Noël. Ah ouais, Ils non. font la pub pour le menu à 120 euros. Ok. Donc, je sais pas. Il y a plein de sous-menus, hein, mais je pense qu'on va trouver Ouais, moi, l'information je pense que qu'il tu. Mais en tout cas, ils font super gaffe pour ça. Si tu es allergique à quoi que ce soit, faut. Oui, si tu normalement, le oui. De toute demandes. façon, ils vous demandent d'entrer. Dès que vous arrivez, ils vous Ouais. demandent si vous avez des allergies. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, j'ai pas le souvenir qu'ils aient fait ça, nous, à Disney World. J'ai pas ce souvenir là. Quoi demander avec les allergies? Si, hein. Je Je pense pense qu'ils le font. qu'ils font super gaffe en plus aussi. J'ai pas. Enfin, on n'a pas fait de restaurant, nous. On a surtout fait des snacks. Mais, voilà. Bon, voilà pour les deux restaurants. Pour les bars à thème. Alors, il y a deux bars à thème. Vous avez fait les deux ou pas? Oui, Olivier, j'ai Oui, fait les deux. oui, Ah, oui. Olivier rigole. Qu'est-ce qui se passe? Dans les bars Les à bars à thème, thème. il y Les en a bars à trois en ce thème. moment. Voilà. Il y en a trois en Voilà, il ce y en a moment. trois. Donc, alors, on va commencer par le bar éphémère. Le Ouais. bar éphémère à thème, c'est le fameux bar Deadpool Oui, je crois qu'il qui se termine cartonne. en janvier. Je crois que ça a été prolongé jusqu'en Il devait se janvier. terminer en septembre, mais maintenant il se termine en Ouais. janvier. Vous l'avez fait tous les deux, du coup? Ouais, j'ai fait Ouais. deux fois moi. On l'a fait ensemble, nous. Alors, Et j'ai fait une fois est-ce avec que Pierre. vous pouvez nous raconter le, on va dire le j'allais dire le, bah, racontez-nous comment vous Le l'avez vécu, déroulement. votre expérience. C'est ça, le déroulement. Les Bah, déroulements. le début, faut pas trop spoiler Non, faut pas spoiler, ouais. parce qu'en fait, c'est ça qui est rigolo. Je vais faire vite, Comment on après va je chercher laisserai le code, par exemple, tu parler vois? Pierre. Oui, alors, faut réserver auprès de l'application ou directement à l'hôtel. Il vous donne un badge. qui vous donne accès à un étage particulier par l'ascenseur. Et vous arrivez dans devant une petite, toute petite porte qui vous mène au bar de Deadpool. Et il va vous arriver quelque chose de particulier. Et vous êtes accueilli après par les cast members. Alors, j'ai fait deux fois. Je n'ai pas eu les deux fois les mêmes. Ils sont exceptionnels. Ils sont d'une gentillesse, que ce soit les barman ou les serveurs. Ils sont, franchement, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en as pensé, Pierre. J'ai fait des deux fois. Moi, j'ai eu des filles la première fois qui étaient à fond dans le rôle parce que elles jouent un rôle, je ne vous dis pas pourquoi. Les cast members sont absolument géniaux. Ils font, c'est, en grande partie, l'ambiance est réussie grâce à eux. Et puis, vous arrivez dans une salle qui était déjà utilisée. Hein, c'était... un bar pour les suites, je crois, enfin je sais non, plus. Un bar pour les gens qui étaient à l'Empire. Donc, à l'Empire, oui, c'est ça. L'Empire et suite, c'était voilà. Le bar où tu pouvais aller chercher tu pouvais aller chercher les boissons quand tu rentrais du parc ou quoi, où tu pouvais prendre parfois un petit, il y avait toujours des trucs à boire, des petits trucs à manger, tout, et c'était réservé effectivement aux gens qui étaient à l'Empire. Et là, du coup, c'est thématisé Deadpool. Donc, vous avez les costumes de, c'est pas un spoil, tout le monde le sait, qui ont servi au tournage de Deadpool. Vous avez le personnage de Deadpool et Wolverine, plus des accessoires du film. Et puis, vous avez des cocktails sur le thème du film qui sont absolument sublimes. Là, j'ai pu en prendre deux différents parce que je suis allé deux fois. Qui sont absolument délicieux et totalement originaux, qui vous sont présentés de manière sensationnelle par les castes. C'est vraiment une super expérience. Et puis pour terminer, après je laisse la parole à Pierre, ça va jusqu'à la sortie Ouais. On ne va pas vous dire ce qui se passe, mais la fille de Pierre a été choquée. C'est Deadpool. Si, j'y attendais pas, ouais. Ouais, non, c'est un très bel endroit, c'est une belle expérience, c'est très immersif. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé vraiment. Effectivement, les cocktails sont très, très bons. C'est très bien foutu ce qu'ils font. Ils font aussi des petits snacks. On avait pris un truc à partager, je pense. C'était bien. L'endroit, pour l'avoir fait avant et l'avoir fait maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ils l'ont vraiment très, très, très bien transformé. Tous les accessoires qui ont servi au film, le bureau et tout, c'est bien. C'est bien. Les gens qui vont maintenant et qui ont l'occasion de le faire, il ne faut pas hésiter, faut vraiment le faire. Il faut faire maintenant. C'est beaucoup plus calme qu'avant parce qu'au tout début, moi, je suis allé pratiquement au début et vous aviez un temps limité. C'est-à-dire que vous restiez, à partir du moment où vous avez franchi la porte, vous restiez une heure maximum. Ah ouais. Tellement qu'il y avait du monde, comme la salle est petite, pour qu'il y ait un roulement. Et là, c'est un peu plus... C'était pas plein quand on est allé retourner avec Pierre. Et donc, du coup, on a pu rester plus longtemps. Et la première fois, j'ai eu de la chance, on est allé en fin de soirée avec Priscille et Laurent. Et du coup, pareil, comme c'était en fin de soirée, il y avait moins de monde qui arrivait. Donc, ils nous ont laissé, on est resté une heure et demie. Ouais, je pense que s'il te bloque un peu le temps, ça cache un peu l'expérience. Oui, tout à fait. Parce que tu as un peu la pression, tu dois te dépêcher. Ouais, c'était ça au début. Hein, donc, ouais. Donc voilà, faut le faire, hein, Benjamin, si tu peux, encore. Ouais, je vais essayer. Mais le problème, c'est que, comme je te disais en off, c'est que j'ai voulu le faire. Et j'avais Salomé, 9 ans, et Clémence, 4 ans. Et on m'a dit non, c'est pas pour les mineurs. Ouais, ah ouais. Mais moi je suis allé avec la petite, elle a 6 ans. Ouais. Et ça, il y a absolument rien du tout qui. Je vais réessayer. Je vais réessayer là, peut-être que ça a marché. Je vais voir si je peux réserver et puis. Je doute. Parce que la dame était de la conciergerie, était très ferme là-dessus. Je peux chercher plus loin. Elle m'a dit que c'était pas pour les mineurs. Je peux chercher. Voilà. Mais après. Bon, écoute, je pense pas que ce soit. Ouais. Mais après, c'était pas. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y avait trop de gens. Les cocktails, ils sont dingues. Les cocktails sont bons, rapport qualité-prix, dites-moi. Ouf, alors là, on va dire les cocktails sont bons. Oui, après, ça reste cher. Ça reste cher, mais tu ne payes pas que le cocktail, tu payes l'expérience. Voilà, tu payes l'expérience en tant que telle, ce n'est pas que le cocktail que tu payes. Mais le cocktail est... Et le cocktail est très très bien. Ils sont sublimes visuellement et voilà, c'est... Et puis gustativement, ils sont très bons. Hein. Il y en avait un sous cloche là, avec tu vois, les gens qui étaient à côté de nous. Il y en avait un sous cloche avec de la fumée à l'intérieur et tout. C'était. Ouais, non, il y a des, oui, il y a des trucs. Non, c'est, enfin, c'est, tu payes la présentation et puis l'originalité du cocktail. Hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, au départ, il était prévu jusqu'au 31 octobre et j'arrive pas à trouver les nouvelles. Ah, j'avais cru comprendre que c'était jusqu'au mois de septembre. Non, c'était octobre et. En octobre, normalement. Ouais, nous, quand on est allé, c'était le dernier week-end de Halloween. Et quand j'ai voulu le réserver, donc j'avais appelé pour réserver. On m'a dit, ouais, c'est très bien, réservez-le parce que après, c'est terminé. Et quand je suis allé récupérer justement le badge pour pouvoir y accéder. La dame a dit, je dis, mais c'est les derniers jours. Elle me dit, non, ça a été prolongé, effectivement, jusque janvier. Je pense que le succès, mais c'est ce que les gens attendent. Enfin, de Disney en général, c'est d'avoir des expériences comme ça, immersives, un peu particulières, et pas toujours la même chose, des trucs nouveaux. Il devrait y en avoir plus. Il devrait y en avoir plus. Oui. Voilà, si ça dure tout ce temps-là encore 2 mois, c'est que ça marche à l'étonner. Hein. Ça marche, oui, c'est clair. En fait, c'est facilement plein, et je te dis, vu le prix des cocktails, je pense que c'est rentable. Hein, donc, Écoute, l'endroit, ils l'ont. Je veux dire, c'est un endroit qui existe. C'est là, il y a 3 castes à l'intérieur et ils te servent des cocktails à 25 balles. Oui, c'est rentable, c'est blindé tout le temps. Tu sais, moi, ce que je pense qu'ils devraient faire, un bar qui devrait rester. Et que dès qu'il y a un gros film Marvel qui sort, tu vois, bientôt le prochain c'est Captain America. Ok. Il transforme en Captain America. Ça serait génial, quoi, tu vois, qu'il fasse un bar thématisé sur les thématisé sorties. Sur les dernières sorties Marvel, ça serait génialissime. Ouais. Oui, et puis chaque fois, tu auras une expérience nouvelle par rapport au film. Exactement. Ouais, ce serait bien ça. Mais c'est peut-être ce qu'ils vont faire, hein. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Hein. Peut-être qu'ils vont thématiser sur Vaiana ici. Sur Vaiana 2. C'est pas Marvel. C'est Marvel. Ah ouais, merde. C'est plutôt sur New... c'est plutôt sur Newport. Ouais. Alors, le deuxième bar, on va dire un qui n'est pas éphémère et qui est permanent, qui est là, qui est mon préféré d'ailleurs. Je ne le cache pas. Qui est vraiment mon préféré, c'est le Skyliner. Mm. Voilà. Vous êtes comme si vous étiez dans un gratte-ciel de New York. Et vous avez une sorte de baie vitrée. Oui. Vous pouvez voir Iron Man, je crois, Spider-Man, et le Queen Jet atterrir aussi sur la tour des Avengers. Et puis c'est plutôt bien fait. Et si vous y allez à la tombée de la nuit, la nuit tombe en même temps sur les écrans. C'est ça. Quand il fait jour, la baie vitrée était passé jour, et puis quand il fait nuit. D'ailleurs, je trouve que j'adore ce bar, mais il y a un truc qui me gêne. Ah, vas-y, dis-nous, c'est quoi qui te gêne? L'idéal, ça aurait été de le faire au dernier étage. Ouais. Parce que tu arrives au rez-de-chaussée et tu as vu sur le dernier étage. Tu vois? Point de vue immersion. Mais bon, ouais, après, une fois qu'on y est, c'est pas grave. Moi, oui, moi ce bar, je l'ai fait plusieurs fois. Et il y a 2 fois où j'y suis allé, j'étais déçu parce que j'étais assis juste à côté de l'entrée. Et en fait, quand tu n'es pas vraiment à l'intérieur, tu as tous les gens qui sont de passage dans le hall. Et je trouve que l'immersion, elle est beaucoup moindre. C'est possible, effectivement. Ouais. Donc voilà. Par contre, quand tu es vraiment à l'intérieur, l'immersion, elle est top. Mais quand tu es à l'entrée, tu as les gens qui passent avec des valises et tout derrière toi. Bah, après, c'est un hôtel, hein, on s'entend. Mais c'est moins agréable. Et comme disait Olive, s'il avait été à un étage tout en haut, ça aurait été top. Ça aurait été top. Mais surtout oui, mais ça reste bien. Ouais. Surtout que c'est assez compliqué, surtout les week-ends, à partir d'une certaine heure, de trouver une place. Ouais. Et franchement, ça aurait été gagné. Ils auraient gagné à le faire à l'étage, au dernier étage, et voir le faire plus grand. Quoi. Ouais. Après, c'est... Il y a quand même un problème sur cet hôtel en général, c'est les ascenseurs. En fait, les ascenseurs sont tout petits. Il y en a très peu. Et donc, quand les gens rentrent du parc en même temps, mais pour remonter à ta chambre, mais tu passes une plombe à attendre l'ascenseur. Ah ouais. Ouais. Donc ça c'est Bonne un chance point que j'ai pas de négatif sur problème. ouais, c'est un point négatif sur l'hôtel. C'est quand tu reviens, parfois, tu vois le petit hall là où il y a les ascenseurs, c'est blindé de monde. C'est blindé, blindé de monde. C'est vrai. Bah, c'est l'ascenseur qu'on prend pour aller au bar Ouais, d'hôtel. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a trois, je pense, à côté de l'autre. Et quand t'as, l'hôtel est très grand, donc quand tu as peut-être 500 personnes qui reviennent du parc en même temps, qui doivent monter dans leur chambre, Ouais, c'est tu vrai. y es pour un moment, quoi. C'est tout à fait vrai. Bon, sinon le Skyline, moi j'adore. Très très beau bar, très bien décoré. Pareil, les casques, les serveurs, j'ai toujours une super expérience. Et les cocktails sont variés, Et en un plus, peu on à les tous voit les faire les prix. cocktails. Hein? Oui, on les voit faire On les les voit faire les cocktails. cocktails. On les voit. Et C'est puis, super cool. il y Est-ce a qu'on tous voit les aussi au bar prix. Deadpool les faire le cocktail ou pas? Oui, si tu te Oui, retournes, on tu les vois faire. voit. Ouais. Ouais. Moi, j'avais le dos, oui, tu les vois, oui. Ouais. Ah bah, le Et bar effectivement, vous Deadpool, avez c'est des très cocktails à tous les intimiste, prix. hein. C'est tout petit, hein. Alors, vous avez toujours un cocktail d'actualité. Par exemple, quand il y avait les Gardiens Galaxy 3 avec Olive, on avait un Oh, cocktail. Il y avait le deux cocktail Gamora cocktails que de j'avais Gardiens pris, il était Galaxy. Le trop bon. Gamora, Oh ouais. là là. Il était épicé en plus, c'était plutôt pas Ah, mal. c'était une tuerie. Vous avez pas mal de martini aussi, des cocktails à base de martini. Vous avez des cocktails signature, mais je crois qu'à partir de 20h, ils ne les font plus. Voilà. Et puis si vous avez un petit creux, vous avez des cocktails sans alcool aussi qui sont pas mal. Et je trouve d'ailleurs que le cocktail, enfin les prix sont abordables. Franchement, Oui, c'est ce que je disais, il y a tous les je trouve prix. que les. Ouais, Ah, je sais pas, pas cher. les... ça commence Un à... cocktail sans alcool, c'est 14 balles à peu près. Et puis quand vous arrivez sur de l'alcool, c'est entre 16 et 18 Oui, puis euros. il y a des cocktails plus sophistiqués. Ils ont fait le cocktail Doctor Strange, où en fait, ils te l'apportent Oui, avec dans une boîte en le. bois, et ils ouvrent la boîte, Miroir. t'as de la fumée qui sort. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, là, ça fait pas un peu mal aux fesses. C'est quand vous prenez un coca, vous avez facile. Je crois que c'est 9 balles le coca ou un truc comme ça. Enfin, le soda, c'est. Par contre, là-dessus, je trouve qu'ils abusent un peu. Ouais, mais Vraiment pour après... les trucs classiques. Non, 6 balles, tu vois. J'aurais cru que c'était 9. C'est 6 balles. Mais bon, après, voilà, si vous y allez, c'est pas. Enfin, pour boire un coca, ça vaut pas forcément le coup. Et puis, vous avez des snacks aussi, si jamais vous avez un petit creux. Voilà, vous pouvez acheter du salé comme du sucré. Nous, on avait mangé des choux Doctor Strange. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les Non, choux Doctor Strange. j'ai Non. jamais rien mangé là-bas. Enfin, c'est un chou, c'est pas plusieurs choux. Ah C'est oui, il y un a chou, plein de mais un plus. gros chou. Ah ouais, chou Dr. Strange, ouais, je vois ici. Voilà, il est très très bon. Si un jour vous y allez, c'est vraiment bon. Il est gros, hein. C'est un gros chou. Hein. On l'a mangé à deux et on a eu du mal à finir. Avec crème fouettée, fruits rouges, c'est ça? Brisure de meringue et Ouais, noix de bah, coco. une noix de coco. Ouais. Ouais, des crèmes Très glacées bon. aussi. Et vous avez aussi de la crème brûlée. On se souvient, parce qu'il y avait une dame qui avait pris de la crème brûlée, je suis pas sûr de moi. Et Cheesecake, vous avez un du macaron, salé. et il y a du salé, ouais. Ouais, c'est Ouais, bien. voilà. Assortiment de Du charcuterie salé. italienne, des petites pizzas. Oui. Ouais, c'est bien foutu. Ouais. Oui, c'est. Ouais, Bah c'est après, je top. crois qu'à une certaine heure, ils arrêtent de les servir le salé, mais le sucré, je sais qu'ils servent tout le temps. Mais en tout cas, c'est. Voilà, c'est un bon bar immersif. Enfin, moi, je sais que j'aime bien y aller avant d'aller me coucher. C'est vraiment je finis là-dessus. Voilà. Enfin, je sais pas, mais j'aime bien. Voilà. L'autre bar, lui, il n'est pas ouvert le soir forcément. Non, il est ouvert C'est la journée. le. Ah, il est Skyline. ouvert la journée, le matin. Le Baker Street. Baker Street, voilà, effectivement. Qui, lui, sur un autre thème, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est plutôt New York. Au final. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Bar de New York avec en fait vous arrivez vous avez et puis alors du coup faut il y a que des y a que des tableaux du Docteur Strange. N'attendez pas des tableaux de d'autres super-héros. Il y a vraiment que des Et tableaux d'ailleurs, il est un peu ouvert le soir, parce que quand tu as trop de monde au Skyline, tu peux t'asseoir dans ce bar-là et aller chercher tes verres au Skyline. Après, ça casse un peu ton C'est vrai. expérience. Ouais, Ouais, ça casse un peu. Bah voilà. après quand t'es entre potes, ça va. Ouais, Pour ça être va, entre nous, ça ça allait va. mais. Mais si tu viens juste chercher l'expérience Skyline, Après, effectivement. ça dépend combien de cocktails tu as bu avant. Tu vois? Parce que après, tu peux Ouais, même les finir dans le couloir assis par terre. C'est plus un problème. oui, Mais en tout cas, c'est quand même sympa. Tu peux te poser, puis les sièges sont confortables aussi. Tu peux... Oui. Puis en journée, c'est sympa. L'été, tu. Il y a une partie extérieure. Ouais, Ah, c'est ouais, ça. parfait. Ouais. Non, non, c'est très sympathique. Et là, pareil, si vous avez des cocktails signature, qui sont plutôt bons d'ailleurs. Mais pareil, on est sur du 16-18 € suivant ce que vous pouvez avec sans alcool. Puis vous avez du sucré, du salé aussi, mais pas le même style que Skyline. Hein. C'est pas... Ouais. Je sais que nous on avait pris en salé, on avait pris des. Ah, comment des. Ah, flûte, c'est quoi qu'on avait pris? Des pizzas. Je crois qu'on avait pris des pizzas, qui étaient vraiment bonnes. Et le sucré, t'avais le chou encore. Doctor Strange, on avait pris un chou. On avait pris un chou. Ouais, on avait pris un chou. Voilà, donc vous avez quand même pas mal. Et vous pouvez déjeuner le midi là-bas, sachez-le, entre midi et 15 h. Alors, c'est pas. Vous avez. Je sais pas si vous avez déjà mangé là-bas, vous. Petit Non, déjeuner, toi, non, t'as déjà. Non, non. t'as pas petit déjeuner, tu peux pas, c'est café. Enfin, je crois Le qu'il y a des petit cafés déjeuner, en plus c'est d'Europe. comme Manhattan. Ouais, c'est. C'est au Manhattan et au self au downtown aussi, t'as des Non, petits est-ce que déjeuners. j'ai dit déjeuner? Est-ce que moi, juste un café, c'est mon petit déj? Mais je crois que tu peux avoir des cafés frappés, je crois. Oui, Ouais, nous on il y en avait a. pris ça. Alors, il y en a eu. D'ailleurs, quand je suis retourné avec Pierre, hein, j'étais très déçu. Parce Oh. qu'avant, il y avait des cafés frappés, mais absolument succulents, avec C'est pas sur le thème vrai. de Doctor Strange. Et après, quand je suis retourné avec Pierre, c'était un café frappé classique, quoi. Mais tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je ne sais pas s'ils les font tout le temps. Mais moi, je prenais le café Juste les frappé de gens, Doctor Strange. vous voyez pas la déception d'Olivier. Il a une larme. Ouais. Ah oui, non, franchement, ça. Il faudrait y retourner. Je pense que, enfin, Ouais, je regardais, faudrait. c'est la carte, c'est la carte des snacks sucrés et salés, c'est exactement la même qu'au Skyline. Ouais. Moi, tu vois, j'avais pas forcément souvenir. En tout cas, bon, bah, tant mieux, c'est que c'est bon. Et il y a le déjeuner le midi, c'est possible. À midi d'ailleurs. Vous pouvez pas manger avant. Et vous avez, alors je crois que c'est des salades. Et je crois que c'est des sandwichs ou des Des clubs sandwich. sandwichs. Il Voilà, faudrait on que j'essaye ça se. un jour. Mais nous, on avait pris un bagel. C'était trop bon. Voilà. On avait pris un bagel pour deux. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez différents. Donc c'est plutôt pas mal pour. Après ça ferme, après. Je sais plus à quelle heure ça ferme. Je vais regarder, mais je crois que ça ferme pas si tard que ça. Ben, ça ferme à Non, l'ouverture en du fait, à un Skyline, moment je ça crois. ferme Hein. et ils vous demandent d'aller au Skyline. Oui, Ouais, je c'est crois que ça. en fait ils Ça doit ferment fermer à 17h, un 17-18 truc comme ça. heures et ils te demandent d'aller au Skyline justement après. Après, c'est un bel endroit. Donc Je trouve que c'est vraiment un endroit cosy. C'est un chouette endroit. On se sent bien là-bas. ouais, ça c'est fait assez tout comme à fait. une atmosphère urbaine, tu vois, Ouais, c'est truc ça, de ouais. rue, t'as besoin d'être dans, avec les, comme tu dis, les briques et tout, t'as vraiment l'impression d'être dans un bar de rue. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'adore, c'est les sièges, tu sais, les sièges qui sont un peu en U là, c'est Enveloppant, plutôt ouais. pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et l'été, avec Olivier, on avait bu un coup dehors. C'était vraiment appréciable. Parce que tu as vu du Ouais. soleil et tout, et tu étais un peu caché avec la verdure. Vous avez mis des pots de fleurs un peu haut, et du coup à mi-hauteur, et tu étais bien. Tu as l'impression d'être en intimité à l'extérieur. Tu te souviens, Olivier, non? Ça. C'était pas Oui, mal. oui. Oui, je me rappelle. C'était plutôt pas mal. Donc oui, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des bars et des Ouais. restaurants, si je ne me trompe pas. Je suis en train de regarder, Ben, il y a encore une chose mais on a fait le qu'on tour. n'a pas évoquée, c'est Vas-y, dis. l'exclus, justement. Parce que tous les restaurants, les bars sont accessibles à tout le monde. Hein. Mais si vous êtes résident de l'hôtel, vous avez accès à une zone où vous pouvez rencontrer des super-héros et faire des photos Bah autour. justement, j'allais en venir. C'est D'accord. là, après avoir fait les chambres, les restaurants et les bars, et bien maintenant les activités d'attraction, parce qu'il n'y a pas que ça, effectivement. Donc la question qui m'était posée, c'était de savoir s'il existait des activités qui sont proposées à l'hôtel. Bah justement, bah parle-nous-en de cette activité-là, Olivier. Olivier, activité dont tu vas nous parler, qu'il faut réserver à l'avance, ne Oui, serait-ce en plus, qu'avec attention, surtout si vous êtes surtout. résident à l'hôtel, ce n'est pas pour ça que vous allez avoir accès. Il faut penser à réserver, c'est sur des créneaux horaires. Dès que vous Vous pouvez. allez dans une salle où vous commencez par rencontrer un super-héros. Donc à l'époque, il n'y avait que Spider-Man quand j'y suis allé. Maintenant, il change un petit peu. Il y a Black Widow. Enfin, il peut y avoir un peu tous les super-héros. Donc, vous avez un petit moment privilégié, tranquille, où il n'y a pas trop de monde, avec votre super-héros préféré. Et vous pouvez faire des photos dans des décors totalement originaux, notamment dans la chambre de Parker, où, en fait, le décor est retourné. Vous êtes au plafond. Et puis le sol est au plafond du coup parce que c'est inversé, c'est pour pouvoir faire des photos comme si vous étiez une homme araignée et que vous étiez collé au plafond. Je trouve ça absolument génial. Après il y a d'autres petites scénettes, notamment sur Iron Man, où vous pouvez Iron Man, vous pouvez mettre les bottes d'Iron Man. Il y en a sur Thor, vous pouvez prendre le marteau de Thor et puis faire des photos de Ant-Man. Je pense pas qu'ils ont changé les scénettes depuis l'ouverture. Donc, je suis allé qu'une fois. Donc, c'est sympathique. C'est un truc à faire. Oui, c'est un truc à faire. Le soir, vous n'avez pas réservé. Non, ça vous permet de voir un super-héros. Il faut dire ce qu'il y a. Ça vous permet de voir un super-héros. Et le soir, vous avez accès, mais il n'y a pas de super-héros. Vous avez accès au décor pour prendre des photos. Mais vous n'avez pas accès. D'accord. Il n'y a pas de héros. Nous, on a eu Black Widow. Je ne sais pas, toi, tu as eu Spider-Man, toi, Olivier ? Oui, je te dis, c'était au début. Au début, pendant les 6 premiers mois, il n'y avait que Spider-Man, je crois. Donc, et toi, Pierre, tu as eu On a eu Spider-Man, ouais. On a eu Spider-Man aussi, avec la petite. Ouais. Donc, ça s'appelle Super-Hero Station, et surtout... Je ne savais pas que c'était réservé aux résidents. En fait. Oui, tu sais, il faut être forcément à l'hôtel. Et puis, en plus, même si tu as une chambre, si tu ne réserves pas, tu n'as pas forcément. Oui, tu n'as pas forcément. Il faut faire attention à ça. Ouais. Hein. Nous, on réserve juste 7 jours à l'avance. Il faut y penser. Juste 7 jours à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Pour la petite info, juste à cet endroit, en face de ça, il y a la salle de petit déjeuner pour les résidents Empire et Suite. Donc, la salle du petit déjeuner, la salle du goûter se trouve juste là devant. Devant l'expérience. C'est cette salle-là que je parlais aussi, je crois, qui fait restaurant des fois. Alors, cette salle-là, je ne suis pas persuadé qu'elle fasse restaurant. Parce que cette salle, en fait, elle est réservée pour les résidents qui sont en Empire et en Suite. Pour prendre le petit-déj et pour prendre leur goûter. Parce qu'il me semble que j'avais entendu dire que quand le buffet était complet, ils en mettaient là aussi un peu. Ils déplacent des gens là-bas, c'est possible. Pour le downtown, il me semblait, hein, mais après... il me semblait. Donc réservé, nous on réserve toujours 7 jours à l'avance, voilà, pour être sûr d'avoir une place. Mais si ça ne sert à rien, le jour même vous n'en aurez pas, c'est clair. Ça ne sert à rien, donc il faut bien réserver à l'avance. La deuxième activité qui est possible, c'est pour les petits. Vous avez la possibilité, vous avez une sorte de salle de jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà été, Pierre-Olivier. Ouais. Oui, je suis passé. Ouais. Où il y a des tablettes, moi, je suis allé avec la petite. Ouais. Des tablettes qui sont accessibles en fait pour jouer des jeux avec les super-héros, Spider-Man, Thor, etc. Donc, si vous voulez faire jouer vos enfants sur une tablette avec un jeu de super-héros Marvel, vous pouvez. Et ils diffusent un film, alors du coup, pour dessiner. Ouais. Un super héros, et nous on l'a pu le faire. Alors, ce qui est bien, c'est que la Spammer dit est-ce que vous voulez que je revienne en arrière, devant, machin. Donc, vous pouvez dessiner Thor, Captain America, Groot. Non, dessiner Hulk. Spider-Man. Et Hulk. T'as dessiné Hulk dessiné. Ouais. Ah. Ouais. C'était marrant. On a dessiné, je crois que c'était. On a dessiné Groot, Captain America et Spider-Man. Voilà. Mais vous pouvez rester assis en fait et dessiner. Et ils vous donnent un stylo, un crayon, un papier, une gomme, un plateau pour dessiner et puis une feuille blanche. Quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez des cahiers de jeux, d'activités, je sais pas si c'est sur la table. Ouais, des trucs à colorier aussi pour les petits, ouais, c'est ça. Ouais. Puis des fois ils vous donnent des autocollants aussi. Enfin, je sais que quand moi mes filles elles y vont, on y reste longtemps. Hein. Je sais pas toi. Ouais, mais moi la petite, quand, elle veut toujours y aller en plus. Je pense qu'elle elle dessine 8 heures sur 24, donc elle dessine tout le temps. Donc elle kiffe aller là-bas. Et je trouve les gens sont super sympas là-bas pour s'occuper des enfants. Alors, c'est pas une garderie. Je veux dire, c'est pas que tu laisses tes gosses et puis que tu dis je vais aller au parc et je vais les laisser là toute la journée. Mais c'est vraiment une chouette activité à faire avec les enfants. Moi, j'aime beaucoup y aller. Et les Casmember là-bas, je les trouve proches des enfants. Tu vois bien qu'ils Exactement. te. Ils, je pense que c'est des personnes qui ils prennent des Ils sont personnes formés pour ça, ouais. qui sont formées pour ça. Ouais. Tu vois Ouais, bien que quand il arrive à ma plus petite qui est un peu timide, ah viens, on va dessiner ensemble, je vais te montrer. Voilà, enfin, on va dessiner, on va y a, coloriser. y a, je sais pas si tu es allé plusieurs fois ou Oui, NJ on y va avec tout le les temps. filles. Les Ouais. filles, elles y restent tout Et le y temps. a, tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y a une dame qui s'appelle Gisèle, qui est déjà un peu plus âgée. Elle doit avoir l'âge d'Olive. Elle est Et boum, pan Ouais, pan. ça Prends pas ça. c'était pas gentil. C'était pas gentil. Non, mais elle est adorable, mais d'une gentillesse avec les enfants. Et en fait, ils reconnaissent les petits. Et donc, moi, elle connaît Victoria depuis qu'elle est toute petite. Et maintenant, elle est au Disneyland Hôtel. Elle est partie de l'autre côté pour faire les Et dessins depuis, avec les enfants. Victoria est en dépression. Et non, parce que Victoria va là-bas. Elle suit Gisèle, en fait. Elle va où Gisèle et Victoria sera. Voilà. Mais non, ils sont En tout très, cas, très c'est une sympas. bonne activité. C'est Ouais, franchement, c'est une faut y aller belle avec les activité. enfants. Et même pour nous, les adultes, je trouve ça, même dessiner, enfin, c'est tout bête, mais quand tu bosses, tu rentres tard le soir, t'es en week-end à Disney, juste te poser à côté de ton enfant et te colorier avec lui sur le même Ah, dessin mais c'est pendant une le temps que demi-heure, tu prends, c'est génial. C'est génial. Et Ouais. même si tu arrives Et un jour le parc le matin, il fait un peu gris, il pleut et tout, mais tu vas un peu à la piscine, tu vas un peu tu vas dessiner, tu passes le temps, tu passes des beaux moments. c'est ça. Et alors pour info, moi j'y suis allé. Les filles, alors elles voulaient jouer un peu sur les tablettes, parce qu'il y en a plein, il y en a une dizaine, je crois, de tablettes accessibles. J'avais ramené ma BD que je lisais. Et j'avais ramené ma BD. Tu peux te poser, parce que tu as des sièges pour te poser. Tu as un siège pour dessiner normalement, mais tu peux te poser, t'asseoir, lire ta BD. Et la casse-member s'occupe de ton enfant. Voilà. J'ai halluciné. Je dis, bon, bah, jouez, voyez les filles. Et après, quand j'ai fini, j'avais lu une dizaine de pages, je me retourne et elles étaient sur la petite table avec les petits bancs en train de dessiner, de colorier. Et puis elle leur parlait, quel est ton super repère préféré, etc. En tout cas, voilà, Et c'est j'ai souvent ravi. très calme Et comme en endroit. plus, la salle est belle. Ouais, la salle est Oui, belle et et c'est la très salle est calme. Je belle. trouve qu'il n'y a pas trop de monde. Non, c'est un chouette endroit. La salle est belle et en fait, il y a plein de dessins de super-héros comme si c'était des enfants qui les avaient dessinés, Ouais. ou des croquis ou un lycéen. Enfin, c'est plutôt pas mal. Enfin, il y a même certains super-héros qui font style manga. Enfin, mais je pense, comme tu dis, c'est calme et c'est pas forcément fréquenté parce que c'est le même couloir pour la piscine. Ouais, Voilà, transition exactement. faite. Génial. Transition faite. L'autre activité, c'est la piscine. Voilà. Ouais. Et en fait, il y a un couloir où il faut vraiment aller. Enfin, c'est le même couloir. Et en fait, tu vois les gens, ils passent tous pour aller à la En peignoir. piscine. Pourtant, tu as une baie vitrée, un Ouais. peignoir. Ouais. Ouais. Et pour aller à la piscine, alors, toi, tu l'as faite, Pierre, la piscine, Olivier, tu l'as faite Ouais. aussi? Je pense que oui, tout à l'heure, il avait expliqué qu'il a fait. Non, il l'a pas faite. Non, il l'a pas faite. Non, j'ai pas fait. Je l'avais fait, je crois, du temps de l'hôtel New York. J'ai pas, il y a très longtemps. Mais non, je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, parce que j'avais pas vraiment eu le temps. Et puis la piscine, elle est super, hein, mais elle est pas non plus. Il n'y a rien Non, d'exceptionnel. ouais, elle est pas. Voilà. L'endroit est beau, mais voilà. Voilà, c'est une piscine, quoi. Voilà. Alors, le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est un style. Ça fait une station de métro, métropole, Ouais, c'est ça, piscine oui. du Ouais, c'est métro, on va ça, dire. Voilà, vous avez les zones rues, des noms de rue en haut, sur le ça manque plafond, de fun, sur je les trouve, un peu. ouvertures. Je sais pas. Il manque un C'est truc. assez glacial, hein. Ouais, C'est c'est froid, ouais. glacial. C'est froid, ouais. Voilà. C'est ça. C'est froid. C'est pas forcément Exactement. que là, il fait froid dedans, mais c'est une couleur un peu froide. Ça manque de couleur de jaune, rien à voir avec les restaurants où tout c'est lumineux, etc. Vous avez un sorte de jacuzzi géant qui est lui très chaud et qui fait du bien. Et une piscine classique, voilà. Et l'hiver, l'été, alors nous on a eu la chance, c'est qu'on a été l'été, ils l'ont ouvert de Sur l'extérieur. l'extérieur. Et je la trouve très agréable à l'extérieur, la piscine, par rapport à l'intérieur, parce que c'était avec de la lumière, parce qu'il faisait chaud. C'était À pendant qu'il faisait, je sais plus, côté 35 du degrés. terrain de basket Justement, Captain on en parlait America, tout à l'heure. Captain America et des trampolines. Toum, toum. Tu peux faire des trampolines. Justement, c'est une excellente transition. On suit. Donc, voilà, la piscine, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est une piscine. Non, non. Et que, voilà, moi, je préfère la piscine du Sequoia, honnêtement. Puis elle n'est pas très conviviale pour les enfants, je trouve. Non, elle fait froide. Je trouve qu'elle fait froide. Ouais, ça fait piscine pour adultes. Ouais, après, comme dans toutes les autres, ils te donnent les serviettes. Ils te donnent les serviettes, ils donnent les bouées, les gilets de sauvetage et tout pour les petits. Mmh. Ouais. Benjamin, il a sa bouée intégrée. C'est... Putain. Bon, ouais. Ouais, c'est à mon tour maintenant. Il va m'attaquer. Ouais. Attends, Pierre, c'est ton tour après. Donc la transition était faite, c'est qu'il y a un terrain de basket avec un centre de mini trampoline à l'extérieur. J'ai jamais vu personne jouer au basket. En tout cas, je ne sais pas si vous avez joué au basket. Non. Bah, d'ailleurs, quand j'y ai séjourné, j'y suis pas allé. J'y suis allé quand j'avais pu visiter l'hôtel après l'ouverture, tu sais, pour les insiders, tout ça. À partir d'après-midi, c'était ouvert au public. Donc, pas beaucoup de monde l'avait su. Et j'y étais allé et j'ai pu visiter tout l'hôtel tranquillement. Et c'est là que j'avais été et que j'avais essayé le trampoline. Mais quand j'ai séjourné, je n'y suis pas retourné. Donc, le... Je vois pas trop le. Le truc, c'est qu'il y a aussi, il y a aussi du matériel pour faire du sport à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Tu Pierre, t'as pas tapé un basketball par hasard? Écoute, j'ai appris qu'il y avait un terrain de basket il y a environ 2 heures. Donc voilà. En préparant le podcast. En préparant le podcast, j'ai dit, il y avait un terrain de basket. Ouais. Il y a un terrain de basket. Alors, je pense qu'on a fait le tour des activités, j'en vois pas d'autres en particulier. Alors, il y en avait une, mais qui n'y est plus, c'était que tu pouvais avoir un cast member qui te faisait visiter un petit peu pendant 15 minutes les couloirs. Alors, moi, je peux dire comme activité, c'est de vous balader au rez-de-chaussée, de faire toutes les peintures et les œuvres d'art. Ouais. Ça peut être une bonne activité, ouais. Ça met du temps. Et sachant qu'il y a un couloir vers le downtown où justement il change de temps en temps. Oui, puis il y a eu des expos pendant la sortie de Guardians of the Galaxy, il y avait les costumes du film et tout. Donc, il y avait les costumes, ouais. Dans ce même coup-là. Donc oui, il n'y a pas de... Y a... Voilà, ça peut être une activité. D'ailleurs, moi, j'aime bien me balader avec Olivier, une fois, on avait fait avec toi. Après manger, en général. J'aime bien aller l'après-midi. Après... Oui, on avait fait. Ouais. Balade digestive. C'est pas mal de vous balader, regarder les œuvres d'art. C'est plutôt pas mal. Puis c'est juste regarder... Voilà. Pierre, toi, après, il y a une chouette boutique aussi. Ouais, mais il y a une belle boutique aussi, mais c'est l'endroit, en fait, je trouve que l'endroit est très vivant. Donc, c'est un hôtel qui est très vivant. Souvent, les hôtels sont assez figés dans leur déco, dans ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça, ça ne bouge pas. Tu y vas 6 mois après, c'est toujours comme ça, ça n'a pas bougé. 6 mois après, il y a un sapin de Noël, mais la déco est tout le temps pareil. Et là, c'est un hôtel, tu as l'impression que cet hôtel est vivant, qu'il y a tout le temps des choses qui changent dans l'hôtel. Tu as un nouveau bar qui ouvre, tu as des décors qui changent, tu as des costumes qui mettent en avant, tu as des tableaux qui vont changer. Et donc, je trouve ça vraiment sympa parce que c'est assez dynamique. Il y a Gisèle qui n'est plus là. Il y a Gisèle qui n'est plus là, tu cherches après Gisèle. Où est Gisèle? C'est une activité aussi. Mais, où est Gisèle? Oui, où est Gisèle? Bon, après, il y a aussi, je crois qu'il y a un spa, il y a un hammam, une salle de sport. Bon, après, voilà, c'est pas vraiment thématisé, voilà. Donc. Non. Après, il y a aussi un... Oui, donc, comme je disais, c'est qu'on pouvait... Alors, je crois, et Pierre a raison, là, qu'il l'a dit au tout début du podcast, je crois qu'il n'y a plus le cast member qui te faisait visiter pendant 15 minutes. Non. Les œuvres d'art, je crois. Non, je crois que ça n'existe plus. Non. Ouais, c'est même certain. Ouais. Voilà. Il y a une zone un peu morte que j'aime pas trop, mais bon, j'y passe pour aller voir le plus beau tableau. C'est quand tu passes toutes les salles de conférence. C'était un couloir. C'est d'ailleurs c'est spacieux, c'est impressionnant. Hein. Une espèce de... C'est grand là-bas. Il n'y a rien à voir. Ouais. Bah, après, c'est un truc, voilà. C'est pour les conférences, donc c'est à l'écart. Après, un peu. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu te dis, j'aimerais bien faire une soirée là-dedans. Tu vois. Bah, chiche. Voilà. Ouais. Tu fais un meet pour ton podcast. tu loues les salles de conférence. Fais un meet-up, voilà. Je connais pas les prix, mais ça va pas donner. Une salle de conférence là-bas. À mon avis, il faut vendre tes ton bras, hein, même si ce n'est plus. Donc, voilà. Mais bon, après, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'hôtel, à moins que vous voyez un truc en particulier à dire, mais je pense qu'on a fait largement le tour. Ouais, on a tout vu. C'est un hôtel à faire. Un hôtel à faire. Les prix sont globalement abordables, surtout en période creuse. Voilà. Vraiment. Non, puisque moi, je sais que en période creuse, j'ai pu m'en tirer pour 2 jours à 600 balles, à peu près. Ouais. En fait, ce que j'ai envie de dire, à part les chambres, qui sont très bien, c'est pas le débat, ce qui est plaisant à l'hôtel Marvel, finalement, c'est tout ce qu'on a évoqué à part les chambres, et c'est accessible à tout le monde. Donc, vous pouvez vous promener, voir les œuvres d'art. C'est vraiment un moment paisible et super agréable. L'odeur dans l'hôtel est exceptionnelle. L'odeur, c'est génial. Ouais. J'ai acheté le parfum d'ailleurs, je l'ai. Et la musique. La musique, tout. La musique, et puis. Un peu ne serait-ce rétro, voilà, rétro, quand vous rentrez dans le hall avec les armures d'Iron Man, c'est absolument sublime. C'est un lieu de promenade paisible que vous pouvez faire après manger. Et comme tu dis, tu te promènes dedans comme pour visiter un musée Marvel. C'est absolument sublime. Vous pouvez aller dans les bars, tout est accessible. Hein, donc, il ne faut pas hésiter. Et la boutique est peut-être pas mal aussi, avec c'est thématisé aussi. Oui, ouais, on en a parlé un petit peu au début. Voilà. Il y a des produits exclusifs, elle est très jolie, très petite par contre, un peu trop petite, je trouve. Mais oui, elle est chouette. Après, il y a un truc, on n'y pense pas par rapport à un hôtel traditionnel, mais quand tu rentres dans le lobby d'un hôtel, tu as tout le temps de la place pour t'asseoir et pour t'installer. Pas là-bas. C'est le seul hôtel. Ouais, c'est le seul hôtel. Maintenant, si je le dis, tu vas dire putain, ouais, c'est vrai. C'est le seul hôtel où quand tu y rentres, tu n'as pas d'endroit pour te poser. Et donc, les gens qui sont là-bas sont en mouvement. Et c'est ça qui rend l'hôtel aussi dynamique. Oui. Parce que tu n'as pas de gens posés partout. En fait, tu as l'impression de rentrer dans un hall de gare, en fait. Hall de gare, ouais. Ou un aéroport, ou tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc, c'est assez particulier comme ambiance. Mais, Moi, je trouve ça bien, parce que justement, tu profites de l'espace. Sinon, ça serait squatté tout le temps. On valide largement cet hôtel, si je comprends bien. Yes. Ouais. Ouais. Pour moi, oui. Moi, j'y retourne pour la nouvelle année. On loge au Disneyland Hotel. Par contre, je pense que je mange au Manhattan. Je vais regarder sur l'appli, mais je pense que je mange au Manhattan. Mais donc, ce sera dans 20 jours, dans 25 jours. Ouais. Je vous propose, je vous lise pour clôturer 2 avis très négatifs sur l'hôtel, d'accord ? Et vous me dites ce que vous en pensez, et 2 avis positifs. En gros, 2 1 étoile et puis 2 5 étoiles. La première 1 étoile, la personne dit « Le prix des restaurants de l'hôtel sont inacceptables et la qualité n'est absolument pas en phase avec les prix. 160 € pour 3 buffets adultes et 1 buffet enfant, et quand vous voyez la taille des buffets, c'est à mourir de rire. » Voilà. À part le personnel qui est souriant, rien à redire. Alors, bah moi, c'est le commentaire qui me fait. Non, pas du tout. Bah, on en a discuté, donc forcément, on n'est pas d'accord, parce qu'on a dit le contraire. Oui. Okay. Et le deuxième, 1 étoile sur 5, très, très décevant. C'est la première fois que nous venions dans cet hôtel. Au vu des prix, nous nous attendions à quelque chose de plus qualitatif. Voilà, les chambres sont pas très grandes, les oreillers sont plats. Pour ce qui est du buffet, quelle arnaque. Voilà. Je veux dire, les attentes de chacun sont différentes. Et maintenant, de là à aller dire que c'est médiocre et compagnie, c'est abusé. Au niveau des prix, ben, moi, je trouve les prix pour les prestations qu'ils offrent sont tout à fait corrects. Alors, c'est subjectif de dire oui, mais c'est cher. C'est cher par rapport à quoi ? Quel est le point de comparaison ? Voilà, moi, je trouve pas l'hôtel cher. pour tout ce qui, surtout pour la qualité et l'expérience qu'ils proposent. Donc voilà. Et bah, puis les gens qui disent le buffet, il y a pas assez, mais s'il y a pas assez, resserre-toi. Hein, je veux dire, si les produits sont bons, une cartouche. Mais je préfère avoir des produits de qualité à manger qui en est moins qu'avoir énormément de trucs qui ne sont pas bons. Voilà. Disais Olivier. Oui, je disais que moi, c'est un des seuls hôtels qui vaut son prix. Parce que de toute façon, les hôtels à Disneyland Paris sont chers. Tu peux avoir, je te rappelle, en haute saison, des chambres à 500 balles au Santa Fe. Là, c'est du vol. Parce que ça ne vaut pas 500 euros. Payer 600-700 euros au Sequoia, pour moi, c'est du vol. Voilà. Aujourd'hui, l'état dans lequel est l'hôtel, pour moi, c'est honteux de faire payer les gens ce prix-là. Là, oui, mais là-bas, on ne peut pas dire que c'est démesuré. Non, c'est. Après, effectivement, je pense que, enfin, à mon avis, tu y vas à Noël, je pense que ça ne vaut pas son prix, mais il y a des périodes où c'est tout à fait correct. Après, effectivement, c'est quand même des chambres qui sont chères, on peut pas nier. C'est clair. Mais moi, quand j'y suis allé, je ne me suis pas senti arnaqué, quoi. Moi, j'y vais deux fois par an et je ne me suis jamais senti arnaqué, en tout cas. Mais ça dépend aussi, quand est-ce que tu réserves et si réserves à l'avance. Voilà. Il y a des dates, c'est vraiment abusé. Mais il y a des dates, elles sont abusées pour tous les hôtels. Oui, mais c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux avoir le Santa Fe à 500 balles ou 600 balles. Hein. Ah, c'est ça. Donc, ça ne les vaut absolument pas. Hein. C'est le prix 600 balles, c'est le prix d'une chambre en période normale, une chambre classique au Marvel. Hein. Commentaire 5 étoiles, une famille qui parle et qui dit: on y a séjourné deux nuits avec nos fils de 7 et 9 ans, un vrai plaisir, chambre spacieuse, donc rien à voir avec ce que la personne a dit avant, vraiment magnifique, bien sonorisé, donc c'est exactement ce qu'on disait. Alors ça, par contre, peut-être pour Pierre, le petit déjeuner est vraiment copieux et varié. C'est vraiment pas ça d'ailleurs, parce que le petit déjeuner, on peut dire qu'il est copieux et varié. Alors, je ne sais pas dans quelle chambre cette famille a séjourné. En tout cas, pour ma part, le petit déjeuner du Empire ou Suite, qui est dans la salle, qui est différente, est top, vraiment. C'est un buffet qui est vraiment copieux et varié, effectivement. L'autre petit déjeuner, je veux dire, de chambre normale que tu payes en supplément, je ne l'ai jamais fait. C'est un buffet qui est très copieux aussi. Okay. Je l'ai pas fait quand j'étais au parc. Okay. Quand j'étais à l'hôtel, je l'ai fait un jour, comme ça nous a pris. Bah, avec Priscille, elle nous avait dit, ça vous dit de prendre le petit-déj au Manhattan. Je dis, allez-y. Et puis c'était très très bon, un buffet. Donc c'est dans la salle principale, le même que le restaurant le soir. Et donc, vous avez un buffet assez conséquent. C'est dans la salle du Downtown ou salle du Manhattan ? Salle du Manhattan, tu sais. Salle du Manhattan, ouais. En fait, sur la salle qui est un petit peu en hauteur, tu vois. Ouais, ils mettent le buffet, je suppose. Tu vas sur la droite, là, t'as le buffet qui est là. Ok, d'accord. Le buffet au niveau de qui donne sur le couloir. Okay. Voilà. Donc, oui, et puis c'était un peu moins de 40 euros, je crois. Donc, tu mangeais très bien, et puis si tu y allais en milieu de matinée, tu pouvais manger ce que tu voulais, et à la limite, tu ne mangeais pas le midi. Hein. Et enfin, dernier commentaire 5 étoiles. Très bel hôtel dans le thème de Marvel. Merci, les précisions. Chambre ultra moderne avec TV cachée dans le miroir. Lit très confortable. Ouverture de la porte avec le téléphone. C'est vrai, on peut ouvrir la chambre avec son téléphone. C'est vrai. Voilà. La télé, moi, je trouve pas ça top. Hein. C'est beau, mais je recommande fortement. Mais attention, on prend vite goût au luxe. Voilà. Bon. En fait, au final, quand on prend je trouve que les commentaires une étoile, je trouve extrêmement sévère, tu vois, par rapport à ce qu'est. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais il y aura toujours des gens qui auront des commentaires une étoile partout. Tu Oui, et puis il y a des histoires qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être que ça peut arriver que tu n'aies que des problèmes. Une mauvaise expérience, voilà. C'est voilà. Ouais. Donc voilà, je connais des gens, surtout au début, qui ont eu plein de couacs dans les chambres. Voilà, quand ça t'arrive, ouais. T'es pas très content. Hein. Donc, ah oui, ouais, c'est comme. J'ai toujours eu une bonne expérience. Ouais. Oui, non, mais tu vois, comme par exemple l'hôtel, le Newport. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, j'étais très content. Et Marine, avec qui on fait des podcasts, elle a eu une expérience atroce que je peux même pas imaginer. Oui, pour moi, elle est allée dans une autre dimension. Donc, voilà. Donc, elle, si elle note l'hôtel, elle va lui mettre une étoile, tu vois. Donc, alors que le Newport, moi, j'aime beaucoup. Donc, ça dépend de ton expérience. Il peut toujours se passer des trucs. Oui, ça dépend de toi. Alors, je vais prendre juste un moyen pour voir. D'accord ? Alors, je vais prendre un moyen. Un peu déçu de la prestation, car malgré avoir signalé notre... Alors, nous sommes venus en famille début août pour notre première fois. Nous sommes arrivés le samedi matin. Nous avons une petite chambre. Nous sommes déçus. Pas accès aux aérostations, donc pas pu voir Spider-Man. Nous avons espéré ce moment depuis longtemps, mais sinon elle a passé apparemment un... Je suis un peu d'accord sur le aérostation, quand même je trouve que ça devrait être accessible à toutes les chambres, quitte à ce qu'ils ouvrent plus longtemps. Je trouve ça vraiment limite, quoi. Ou alors vraiment le signaler que la réservation est obligatoire et qu'il faut prendre le temps de le faire, renvoyer un mail quelques jours avant en disant « Attention, votre séjour approche, n'oubliez pas de réserver votre truc. » Sans ça, qu'il n'y ait pas de place. J'ai du mal à croire que ce n'est pas possible sur un séjour de caser 10 minutes ou un quart d'heure à une famille, quitte à ce que ce soit l'hôtel qui leur donne l'horaire, tu vois. Ils disent vous venez à 11h et c'est tout. Si vous ne pouvez pas y aller, tant pis pour vous. Mais voilà. Parce qu'à mon avis, c'est ouvert que genre 3-4 heures dans la journée. Hein, je ne crois pas plus. Hein. Le matin, je pense. Ouais, Il suffit que ça soit ouvert toute la journée. Et puis voilà, hein, le problème est réglé. Tout le monde y a accès, hein, au moins une fois. Mais bon. C'est vrai que c'est j'ai trouvé... Là, on peut dire qu'on a vraiment fait le tour. Oui. En tout cas, de l'hôtel. Voilà. Donc, bonne expérience de l'hôtel New York Art of Marvel. Je pense qu'on peut tous les trois vous inviter à y aller. N'hésitez pas à profiter de cet hôtel pendant les périodes creuses du parc. Il y a des bons prix en plus pour le mois de janvier, là, février. Ouais. Sur, janvier, février, oui. Mais comment ça s'appelle ? Un peu Marseille. Sur, je ne sais plus, le site de vente privée, là. J'ai oublié le nom. Il y a des prix vraiment spectaculaires, hein. Spectaculaire. En tout cas, donc, c'est un bel hôtel proche des parcs. Mmh. Voilà, donc pas besoin de prendre forcément la navette. Donc, voilà. Ouais, donc Pierre, tire-t-on de camp, tu sais pas encore. Alors, je viens de regarder, non, j'y mange au Manhattan le 1er janvier à 20h45. Voilà. Donc, le soir du 1er janvier, je vais commencer l'année en mangeant au Manhattan. À 20h45, mais non, je t'abandonne pas, tu peux viens avec. oui, mais on peut, on peut. Si tu me dis, je passe un petit coup de fil et on aura une table. Bah, si tu as, je vois que je vois, parce que avec les filles. Ouais, tu vois, tu me dis avec les filles. Ouais, ouais. Je te redirai. Mais ouais. En tout cas, bonne. Bref, il faut y aller. Ouais, enfin, il faut y aller. Olivier, on te retrouve sur YouTube. Oui. Et sur les plateformes de podcast aussi, où on a fait le dernier podcast ensemble, tous les trois d'ailleurs. Voilà. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, merci encore de nous taguer avec Olivier, d'être dans votre top 5 Spotify. Ça fait plaisir de le voir. Ouais. Qu'on est sur votre top 5 Spotify en écoute, ça fait vraiment plaisir. Pierre, on peut te retrouver sur les réseaux ou pas ? Mais non. Écoute, c'est pas. On en a déjà parlé, non. Moi, je fais vraiment ça pour partager les expériences, mais j'ai pas de je fais des podcasts avec les amis, J'ai pas mon propre On est podcast, ses amis, donc Olivier. On voilà. est ses amis, c'est bon. Vous êtes mes amis. Mes amis, je fais des cœurs comme ça. Et des cœurs sur vous. Et donc, je fais ça. Et peut-être à l'avenir, sur une formule un peu plus spéciale dont on avait discuté ensemble sur justement les expériences haut de gamme dans les parcs. Ouais, dans les parcs Disney. T'as vendu le scoop dans mon podcast. Ouais, j'ai vendu le scoop dans ton podcast. Donc, je pense, je cogite à ça de plus en plus, à faire justement, pas, peut-être pas des podcasts, mais des vidéos sur les endroits un peu particuliers où les gens n'ont pas nécessairement l'accès. Donc, voilà, pour faire découvrir tout ça. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Sortir la caméra et puis voilà. Sortir la caméra, montrer un peu ce qu'on... Tant que c'est la caméra. Donc c'est vrai, ouais, parce que... Le parce que on va peut-être, derrière, va peut-être la couper celle-là. Ouais. Enfin, la séquence. Je ne coupe rien. La séquence. Ouais. je ne couperai aucune séquence. Et en tout cas, chez Marvelicious, en tout cas, on est toujours sur un podcast, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et puis voilà. Il y aura encore un podcast de prévu avant la fin de l'année, qui est, je suis en solo, où je vous ferai un petit topo sur le Spider-Man, sur un comics du Spider-Man noir. Voilà, j'ai bientôt terminé le script. Sur ce, merci de votre écoute. Merci Olivier. De rien, cœur, avec plaisir. Hop. Merci Pierre de tout mon cœur. Je te fais un cœur. Alors, un cœur comme ça aussi. Et merci à toi, parce que c'était pas gagné que je me retrouve sur un podcast de Marvel. je pense que c'était. Est-ce que tu reviendras? Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il y a toujours moyen de parler de moi-même. Quand on n'est pas un grand fan de Marvel, voilà. Il y a toujours moyen de parler Marvel. C'est toujours. On a toujours un avis sur un film ou une série. Toujours. Ah, c'est clair. Voilà. C'était top. Ou merci hôtel, beaucoup, en tout cas. La preuve. T'as un avis sur un hôtel Marvel. Ouais. C'est super. Ouais. En tout cas, merci les amis. Merci Olivier. Merci Pierre. Merci encore une fois de votre fidélité. Merci de votre écoute. Allez, bye. Bye bye. Bye bye.